merveilleux. 89.1. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage Rookie. David Ferron ajoutera une bonne pincée de musique à l'émission avec une note salée. On apprendra des choses jusqu'à en perdre l'appétit dans cet effet. Assemblage Rookie commence maintenant. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage Rookie. Bonjour et bienvenue à Assemblage Rookie. Alors, c'est lundi 12 janvier 2015. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Stéphanie Paradis. Salut, Steph. Allô. Yay, une autre semaine qui commence. Mm-hmm. Mm-hmm. Notre deuxième semaine de l'année 2015. Ouais. On les comptera pas toutes parce que ça pourrait être long. À un moment donné, on va être mêlés aussi. Tu sais, deux, trois, ça va, mais passer ça, on dirait que c'est comme trop. T'as bien raison. Puis en plus, la deuxième semaine de notre année n'est pas la deuxième semaine de l'année 2015 en tant que telle. Fait qu'il va se détimer, se retimer. Ça va être horrible. Horrible, ben horrible, hein? C'est le mot qui va décrire aussi à l'émission de jour. Non, c'est pas vrai du tout. Ça va être super bon. Ben non, c'est pas parce que David Ferron est là. Moi, c'est j'allais dire, David Ferron. À 8h30, la chronique de David Ferron, les notes salées. Aujourd'hui, Steph, on se défoule. OK. C'est sa thématique d'aujourd'hui. On sait vraiment pas ce que ça veut dire, comme toujours. Non, c'est vrai que... Non. David, d'habitude, a tendance plus à refouler qu'à défouler. Je sais pas, ah? Ça veut rien dire, ça, finalement. À refouler ses émotions? Ouais, non, c'est ça. Il garde vraiment tout pour lui. Il s'extériorise jamais. C'est vrai qu'il est très introverti. Vraiment. C'est un petit gars gêné. Mmh. Oui. C'est le reste de sa famille. Je pensais aller dire céleri. Oui. C'est le rire de sa famille. C'est le rire de sa famille. Non, c'est le rire de David Ferron qu'on aime. C'est le rire. Donc ça, c'est à 8h30. On va aussi faire, c'est un fait dans l'émission d'aujourd'hui, autour de ça. Donc, on va apprendre des affaires. Ouais. Ça me semble intéressant. Et d'autres trucs qu'on verra bien dans le temps comme dans le temps. Commençons en musique avec une pièce de Caravane sur leur album Chien Noir. C'est un petit bout qu'on n'a pas entendu Saint-Raymond, qu'on s'est pas rendu jusqu'à Saint-Raymond. C'est tellement loin qu'il faut... C'est où, ça? Je ne sais pas. Notre amie Myriam Lortie, disons le campus, vient de Saint-Raymond de Portneuf. Ah, OK, mais t'avais pas précisé, là. Non. C'est juste marqué Saint-Raymond, mais c'est le petit surnom. Mais c'est peut-être pas ça. Saint-Ray. Ouais, parce que, mettons, moi, à côté de chez nous, il y avait Saint-Anne-des-Monts. Okay. Mais t'as Saint-Anne-des-Plaines. Hein? T'as Saint-Anne-de-la-Pérade. Donc, Saint-Anne, ça peut être très large. Donc, pourquoi pas Saint-Raymond? Peut-être qu'il y en a plusieurs. Il y a un Saint-Raymond. C'est tant que ce soit large, Raymond, on dirait que c'est un nom de. Non. De mon oncle large? Ouais, genre, je sais pas. Qui a beaucoup bu de bière. Hey, bonne émission. Je me suis mis toutes les Raymonds à dos, fait que ça commence bien. Sauf si c'était vrai. Chaque gorgée de rhum me ramène au début de nos histoires. Chaque gorgée de rhum me rappelle que c'est l'automne. J'ai plus envie de boire pour oublier qu'il faut recommencer. Je me fous des rockstars de fin de semaine puisqu'ils pensent de moi. Dans Lavanne et Saint-Raymond à son âge. Mm-hmm. Salut à tous les Raymonds du Raymond. Ça nous amène à c'est un fait. Ouais, je suis pas très fier de ça. Comme aucune autre fait. Je disais c'est un fait. C'est un fait. Allô? C'est un fait. C'est un fait. Oui, comment c'est bon, un fait? Bon, on va chanter là-dessus. Oh non. Ça va bien. OK. Des choses que tu sais pas. Des choses que je sais pas. C'est un fait. C'est un fait. Des choses que tu sais pas. Des choses que je sais pas. C'est un fait. C'est un fait. Là, c'est la souris complète qui bouge. C'est moins winner, hein, quand... Ben, c'était pas vraiment winner à la base. Imagine-le. Est-ce que je me risque à en lancer un? Parce que j'ai l'impression que ça va pas vraiment sortir de son de ce pétrin-là, cet ordi-là, en ce moment. Okay. Donc, le premier, c'est en 1951, une pauvre femme nommée Henrietta Lacks. Une pauvre femme ou une femme pauvre, une femme c'est pas pauvre, pareil? Une pauvre, ouais, non, une pauvre. C'est pas pareil. Qu'est-ce qui est différent? Réponds-moi ça, ça va peut-être sortir l'ordi de son truc. Vas-y. Ben non, mais tu dis... Oh, pauvre Mathieu, tu fais pitié, tu sais, ouais. il t'est arrivé telle aventure. Mmh. Ça veut pas dire que t'es pauvre monétairement? Non, mais tu pourrais dire une pauvre femme et ensuite souligner que c'était parce qu'elle avait pas beaucoup d'argent que tu disais ça. Ça marcherait pareil, la phrase se tient quand même. Oui, mais tu dois le préciser parce que c'est pas dans le même ordre. C'est comme si tu dis une maison ancienne, ouais. Donc ça veut dire que la maison est très très vieille. Ouais. Mais si tu dis une ancienne maison, ça veut dire que c'est plus une maison actuellement. Ouais. Donc la position de l'adjectif change tout le sens, là. Même si tu l'expliques. Comment même si tu l'expliques? Même si, mettons, tu l'expliques après et tu dis ça à cause que de son âge, mettons. Mais tu l'aurais compris. Je t'avais dit une ancienne maison. Ouais. T'aurais pas pensé qu'elle était vieille. Non. T'aurais dit c'est plus une maison, c'est rendu un garage. Ouais. On trouve la musique, quoi. On écoute Richard Furry Fall, voici TV Light. Return for Refund et TV Light. Maintenant, c'est le moment d'apprendre des choses. Pour vrai, c'est un fait, tu sais. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait, c'est un fait. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait, c'est un fait. C'est un fait, c'est la collecte des choses véridiques, véritables et vérifiables. La musique cache les fausses notes, je pense que c'est ça. C'est vrai, ça, c'est vrai. Et en crée d'autres parce qu'on essaie de suivre des fois les notes, puis je suis pas très bon pour suivre des notes. Donc, en 1951, une femme avec très peu de possessions financières, Henrietta Lacks, s'est fait enlever ses cellules après sa mort, et ses cellules ont été utilisées pour la science sans qu'elle le sache, et ces cellules sont devenues plus tard ce qu'on allait appeler les cellules immortelles. Donc, elle allait être gardée en vie pour utilisation médicale ultérieure. Ils ont utilisé ces cellules pour presque tout, pour un paquet de choses, finalement, pour le vaccin de la polio, entre autres. C'est même allé jusqu'au clonage, et grâce à elle, plusieurs vies ont été sauvées. Et d'ailleurs, on voit une plaque sur assemblagerequis.com dédiée à Henrietta Lacks, née en 1920 et morte en 1951. Donc, née à Roanoke. Ouais, mais ils ont fait ça à son insu. À son insu, c'est ça. Ils ont mais pris c'est ses pas cellules. Bien. Je veux dire, oui, ça a eu des bons impacts, mais il aurait pu le demander. Mais j'imagine que la loi n'était pas la même par rapport à la signature de sa carte dans le temps, en 1951. Non, il avait peut-être même pas de carte. Ben, c'est probablement ça, finalement. Mais l'éthique reste la même. Et voilà, tout à fait. Mais je pense qu'elle doit pas se plaindre. Elle doit pas se plaindre d'avoir sauvé autant de vies. Dans les mythes japonais, il y a une créature nommée Ashiyarai Yashiki. C'est un gros pied pas lavé qui apparaît devant toi et demande d'être lavé. Et si tu le laves pas, il va détruire ta maison ou va piler dans ta maison. Ça, c'est bizarre. C'est pas pire. Ça me rappelle le générique d'ouverture de Monty Python's Flying Circus. Il y a un gros pied qui apparaît après qu'il y a eu un sketch qui n'a aucun rapport. Puis l'acteur principal dit « Et maintenant, quelque chose de complètement différent. » Il peut mettre un pied qui pile sur la scène. Probablement inspiré de cette légende. Exact. Ensuite, pendant la guerre civile américaine, les armées se lançaient des boules de neige. Il y avait des combats de 10 000 personnes en même temps qui se lançaient des boules de neige pendant un moment pendant la guerre civile. Mais c'est super dangereux. Ils disent dans la cour d'école, si c'est de la glace ou des roches dedans, là, tu peux te faire mal. C'est vraiment vrai. Fort. C'est bien trop vrai. Imagine 10 000 là, qui s'en viennent dans ta face. J'espère pour toi, ça va être la même personne. J'espère. Ben, ça serait une bonne stratégie, selon moi. Oui, sûrement, si tu veux vraiment gagner. 10 000 en même temps. Ben, 9 999, il faut être exact quand même, contre un. Ben en fait non, parce qu'il y avait deux équipes qui étaient l'une contre l'autre, j'imagine, ouais. Donc ça serait plus comme 5000 contre 1. À moins qu'il y ait des gens qui aient changé d'équipe en cours de route, je l'ai pas dit. Comme ballon chasseur sont placés autour, donc sont plus vraiment dans une équipe. C'est là. Ça, exact. Maintenant l'étudiante Joan Ginther, une étudiante à Stanford, qui est soit la femme la plus chanceuse au monde, ou encore un secret qu'elle n'a pas encore révélé, c'est que Ginther a gagné une loterie à 4 occasions différentes. Elle a joué à des billets à gratter avec le plus petit jackpot qu'elle a gagné de 2 millions de dollars. Elle a gagné 4 fois. Ben voyons donc. Étudiante à Stanford. Mange du poêle. Ben oui, mange du poêle. J'espère du poêle qui vaut cher, là, sûrement d'une bête vraiment dispendieuse. Pour devenir ami avec un chat qui ne t'est pas familier, qui n'est pas près de toi, que tu ne connais pas tant, tu peux lui faire t'aimes juste pas. Non, faut que tu l'aimes. Par contre, faut que tu veuilles non, devenir non, que ami le avec. Chat ne t'aime pas. Ah oui, ça arrive. Je dirais la plupart des chats. Hein. Je pense au départ, ils n'aiment pas les autres. Faut que tu les apprivoises. La plupart. Donc, pour devenir ami avec un chat avec qui tu voudrais devenir ami, il faut que tu clignes des yeux et que tu ne regardes, que tu évites son regard lorsque les yeux se croisent. Oui, ça c'est vrai. Lorsque les yeux se croisent, tu évites son regard. Ça marche pas tout le temps par contre. Non, ça dépend du chat. Parce que déjà, il faut que le chat te regarde, il faut qu'il y ait déjà un intérêt envers toi. S'il s'en fout puis il regarde déjà ailleurs, ça marche pas. Des chats qui s'en foutent, hein? Ça décrit pas mal de chats, je trouve. Ben non, mais ça dépend. S'il est agressif envers toi, il va te regarder. Mm-hmm. Il va pas te tourner le dos. C'est vrai. Ouais. Est-ce que t'as envie de d'autres faits, tu sais? Ben là, ben oui. Continue, parce que je vais te le demander à chaque 5 faits approximativement si tu veux vraiment qu'on continue. Si vraiment ça vaut la peine qu'on continue. C'est pas que j'entends que les pages chargent. On passe le temps. C'est intéressant. Ouais. Ensuite, le parachute de Joan Murray qui faisait du parachute, saut en parachute. Ouais, t'es bonne quand même, on devinait. Elle a approché le sol à 80 000 à l'heure, donc 128 km/h. Elle a atterri sur un. Je sais pas si on dit sur une pile, sur un stock de fourmis. Une fourmilière? Fourmilière, en fait, des, c'est une sorte de fourmi imprécise que je te chercherais si okay, j'avais l'internet okay. qui marchait, mais Fire Ant, c'est une sorte de fourmi. La fourmi de feu. De feu! Exactement. Mais c'est ça doit être ça. Qu'est-ce que tu veux que ça soit d'autre? Donc, elle a eu un choc parce qu'elle s'est fait piquer plus de 200 fois par ces fourmis-là. C'est des fourmis qui piquent. Donc, ça a relâché de l'adrénaline dans son sang et ça a fait que son cœur a continué de battre et ça lui a permis de survivre. Ah, c'est vraiment la fourmi de feu. Ah ouais, pour vrai, j'aurais jamais pensé. Fourmi ouais, ouais. Ben, tant mieux pour les fourmis de feu. Hey, tant mieux pour la fin. Lettres. Ah, ça. Hein? On dirait qu'ils ont deux culs. OK. Non, c'est pas des faces. Ah. On dirait vraiment qu'ils ont comme deux derrière qui piquent. Ils sont comme vraiment dégueulasses. Ah. À la place d'utiliser des canettes de peinture en spray, il y a des artistes qui vont simplement nettoyer la saleté à certains endroits sur le mur ou à l'endroit où ils vont faire ça. Pour faire des chefs-d'œuvre, ils appellent ça des graffitis inversés. Donc on peut voir des photos sur assemblagerequis.com où vraiment le mur était tout sale. Puis on va laver les parties pour faire, par exemple ici dans ce cas-ci, c'est des poissons, des arbres, une plage, des montagnes, des trucs comme ça, une voiture... donc il y en a plein d'autres et on peut aussi le faire sur des voitures. Bien sûr, ça, vous avez certainement vu une fois de temps en temps des gens écrire sur des wash voitures me. Sales. Wash me, genre. donc voilà. Ensuite, tu connais le jeu Civilization sur le PC? Oui, hein, oui, oui, oui, oui, oui. Donc Sid Meier, qui est l'inventeur de ce jeu-là, le créateur, au départ n'avait pas inclus de mode multijoueur dans la version originale de Civilization parce que si t'avais des amis, t'aurais pas besoin de jouer à des jeux sur ordinateur, disait-il à l'époque. Alors qu'il n'y a rien de plus populaire que les jeux massivement multijoueurs ben et oui. en ligne de nos jours. Sid Meier, visionnaire des jeux vidéo, mais pas nécessairement sur tout. Le producteur hollywoodien légendaire Hal Roach employait quelqu'un qu'il appelait un Wildy, qui était une personne soit affectée mentalement avec des problèmes psychologiques ou encore un Soulon pour s'asseoir avec les écrivains, les personnes qui écrivent des scripts, pour pouvoir juste donner des idées folles. Quand on avait un blocage okay. à l'écriture, donc il demandait à cette personne-là qui avait peut-être qui était un petit peu déséquilibrée par moment, de sortir des idées. Pour être bonne là-dedans, je veux juste dire ça, des niaiseries. Qu'est-ce que c'était de trouver une idée? J'ai juste des niaiseries. C'est vrai, ça, moi aussi. Ouais. Ouais, on est dû pour écrire des nouvelles pubs, d'ailleurs. Tous les livres dans le bureau de Dumbledore dans les films Harry Potter. Oui. Là, ça va vraiment tout détruire le rêve. Fait que si vous voulez pas le savoir, écoutez pas. Mais les livres dans le bureau de Dumbledore dans les films d'Harry Potter ne sont simplement que des bottins des pages jaunes, mais reliés d'une autre façon pour avoir l'air vieux, ancien, antique c'est et autres. C'est très drôle, là. Dans le temps. Encore une fois, je dois vraiment m'assurer que t'es encore apte à recevoir de l'information en rafale. Laisse-moi y penser, laisse-moi prendre un petit bout de grignotine de bagel au bleuet pour réfléchir. Est-ce que tu vas t'es prévu du goût sur ta langue? Est-ce que t'as dû l'ouvrir dans le micro magique? Genre la portion. Ben honnêtement, j'avais vraiment une portion sans bleuet. Okay. Donc ça goûte pas tant, il est pas grillé, pas beurré, rien. Là, j'ai juste pogné un morceau de bagel. Générique. Ben générique, non, là, je l'ai quand même sélectionné. OK, il n'est pas générique comme une chanson thème non plus. Non. L'art de s'étirer et de bailler. Steph, savais-tu que ça s'appelle la pendiculation? Non. Ben, ça s'appelle la pendiculation. Avec comme un panda. Avec un E ou avec un A? Avec un A. Oh. Excellente question. Pendiculation. Connais-tu John Francis Pigotry? Pigotry? Non. Ni l'un ni l'autre. Que les deux. Non, Pigotry, Pigotry, non. On dirait une sorte de tartinade sur tes rôtis. Tu dirais, je vais prendre du Pigotry. Je trouve. C'est une petite tartinade italienne. À la noisette, de préférence. Ouais. Donc, John Francis Pigotry, c'était un bandit, petite personne, donc un nain, hein, armé, qui se promenait dans la région de Coorong, dans le sud de l'Australie, se promenant à dos d'autruches. Ah. Il était armé de deux pistolets. Ça devait être chic, un nain sur une autruche. Je veux dire, est-ce que tu te sens vraiment menacé? Vous me le dire, pas plus qu'un être humain de façon moyenne, de grandeur moyenne, sur une autruche. Je trouve les deux ont l'air drôles. Ouais, mais... C'est pas la taille de la personne autant que le fait qu'il est sur une autruche, je te dirais, qui me perturbe. Ben, entre autres. Moi, je trouve que les deux ensemble font un beau duo. Un drôle de couple, on appelle. Donc, armé de deux, on dit pistolets décoratifs et qui portait des bijoux volés autour de son cou. Donc, c'était John Francis Pigotry. Donc, c'était pas des vrais fusils. C'était, on dit, ornamental pistols, donc des pistolets décoratifs. C'est l'interprétation que j'en fais. Mais, c'est encore moins effrayant. Vraiment. Il y a une ville espagnole qui s'appelle Brunette. Ah. C'est tout. Non, c'est pas ça le fait. Dans cette ville-là, il y a des bénévoles, des volontaires qui vont envoyer des excréments de chiens par courrier aux propriétaires de chiens qui sont vus en train de ne pas ramasser les besoins de leurs chiens en public. Donc, il y a des volontaires, des bénévoles dans le conseil de ville, j'imagine, ou je sais pas trop quoi, dans cette ville-là de Brunette, qui vont envoyer des caca de chiens par la poste à ceux qui n'ont pas ramassé leurs caca de chiens. Ouais, c'est comme une vengeance. Bizarre. Ouais, c'est un peu. Œil pour œil, dent pour dent, comme on dit. Et voilà. Moi, je suis pas d'accord avec ce genre de comportement-là. Moi non plus. C'est pas le fun. Mais bon. Il y a 300 millions d'années, en Amérique du Nord, il y avait un mille-pattes. Vous connaissez la différence, et là je l'expliquerai pas ici, mais entre vénéneux et venimeux. Je l'expliquerai pas parce que j'ai pas devant moi d'écrit. Non, non. Mais une différence entre les deux. Mais bref, il y avait un mille-pattes empoisonné de la grosseur d'une voiture il y a 300 millions d'années, ok? Qui s'appelait l'arthropleura. Ah. 300 millions d'années dans le passé. L'arthropleura. L'arthropleura. C'est comme si toi tu l'avais vu, c'est comme tu la retrouves, puis il pleura. Il pleura, mmh. Exactement. Il y a une image, un graphique sur assemblagerequis.com de la grandeur par rapport à un humain. L'humain étant debout et le mille-pattes à l'horizontale, et le mille-pattes est plus gros que l'humain. Ensuite, après avoir été dans le coma pendant presque 8 ans, Gary Dockery s'est réveillé il s'est réveillé soudainement. Il a passé la journée avec sa famille à se remettre au courant. Ça faisait 8 ans qu'il était dans le coma. Le lendemain, il ne pouvait plus parler. Il est retombé rapidement dans le coma. Il ne s'est jamais réveillé de nouveau. Oh. Imagine donc, sa famille a pu se mettre au courant. Le mettre au courant, finalement, bref. Ils ont pu se réacclimater, raccommoder peut-être même. Et finalement, il est retombé dans le coma. C'est triste. On va y aller avec un dernier bloc si t'en as la capacité intellectuelle. Intellectuelle, je sais pas. Mais je suis partante. T'es partante? Ouais, moi aussi, je te dirais. Parce t'es partante? Ouais. Faut y aller un petit peu par petit peu. Parfait. On va se remettre au courant à chaque 8 ans des faits qu'on a qu'on a manqué. Ok, bon. Le Band-Aid, les pansements, les plasters. Band-Aid. Ont été inventés par Earl Dixon. Pour merci. Merci, Earl. Merci. Pour sa femme, Joséphine, qui se coupait fréquemment les doigts en faisant à manger. Oh, elle était pas bonne, Joséphine. C'était une femme de maison, une ménagère, une femme typique de ces années-là. Donc, Band-Aid inventé par Earl Dixon. Au Japon, les trains sont tellement ponctuels qu'un délai de plus... Je connais pas ça. Non, on connaît pas ça à Trois-Rivières, les trucs... La ponctualité. Vraiment pas. Donc, quand il y avait un délai, en fait, encore aujourd'hui, quand ils ont un délai de plus de 5 minutes, ça va amener une excuse officielle et un certificat de délai pour les passagers qui s'en vont à l'école ou au travail pour donner une raison valide de leur retard. Wow! Imaginez si la STTR devait donner un billet pour chaque retard. On manquerait d'arbres. En fait, ils seraient obligés de fermer parce qu'ils n'auraient pas les moyens de payer autant de papier. Hein. C'est ça, exactement. Trop cher. Par contre, ils pourraient sûrement s'en sortir en disant « Non, non, non, non, on est 57 minutes à l'avance du prochain. » Tu comprends-tu? La STTR sont fins de main. Ouais, mais tu le manques quand même. C'est vrai. C'est vrai. Il y a un homme à New York qui fait des enquêtes, si on veut. Il va creuser, il va chercher dans les cracks des trottoirs. Il cherche de l'or, des diamants, des gens qui auraient échappé de l'argent, des bijoux. OK. Il fait, en moyenne, selon lui-même, ses estimés, 819$ en 6 jours. Il aurait pu le descendre une fois par jour, il me semble. Sa moyenne, il me semble. Il aurait pu y aller par semaine par jour. Mais en 6 jours, il fait 819$. Ben non, il l'a mis sur le temps d'une paye, par exemple. Ah, bon point. À ne pas confondre avec le temps d'une peintre au centre-ville. Oui, il a fait les romans, le temps d'une paix. Oui, c'est ça, exactement. L'inspiration. Donc, les rues de la 47e rue. Les rues de la 47e rue, je pense que c'est pas mal plus... je sais pas, je trouve que c'est une drôle de façon de le dire, les rues de la 47e rue. Pas mal sûr qu'il y en a juste une, 47e rue. Ouais, probablement. Littéralement, est pavé d'or, nous dit Rafi Stepanian, c'est son nom. Donc, c'est un gars, un pigiste, si on veut, de l'enquête de rue. Donc, il cherche à New York pour des morceaux de diamants, de rubis, des morceaux de platine. Il y a un peu d'autres affaires comme ça. Des broches, par exemple, qui auraient été des broches que les femmes mais porteraient. Je me demande, est-ce que tu dois déclarer ça aux impôts? Hey, c'est une bonne question, maudit, ça. Je me la demande, je sais pas. OK. Il doit être considéré comme travailleur autonome. Probablement. Mais je m'intéresse sûrement vraiment sur son statut. Oui, ben, monsieur Stepanian. Il y a un arbre qui est tellement empoisonné que l'eau de pluie qui va descendre de ses feuilles va te brûler la peau, littéralement. Oh. Ça s'appelle l'arbre Manchineel, M-A-N-C-H-I-N-E-E-L. Et c'est natif de la Floride. Et c'est marqué, il y a des pancartes dessus avec une main puis un cercle rouge avec une barre dedans. Ne pas toucher. Ne pas toucher. Ça dit littéralement Do not touch Manchineel, Nipponamasmithinina. Et donc, c'est, ouais, c'est ça. Ben, c'est la photo est petite. Là, j'essaie de lire. Je suis pas capable. Je pensais que c'était de l'espagnol. C'était sûrement du brésilien, je pense. Mais il parle espagnol au Brésil. Ouais. Donc cet arbre est très très toxique, blablabla. Voilà. Ensuite, c'est le dernier, il y a une hotline en Allemagne, tu vois mon pays préféré pour les accents. Ouais. Il y a une hotline. Ainsi que le Japon quand même. Oui, Brésil, Japon et Allemagne. Donc il y a une hotline là-bas en Allemagne où je vous encourage d'appeler et de sacrer le plus possible pour vous débarrasser de votre haine. C'est à la place d'appeler, mettons, chez Bell ou peu importe, c'est pour leur dire là, votre façon de penser, alors que c'est clairement pas de la faute de la téléphoniste qui te répond. Mm-hmm. Donc vous allez appeler la hotline en Allemagne et leur envoyer vos pires insultes, et ensuite vous allez appeler à votre vraie place. Vous devez faire affaire et être peut-être plus poli à une personne qui n'est vraiment pas payée cher de l'heure et qui probablement mérite mieux que ce que vous faites. Moi, je suis pas sûr que ça fonctionne. Non. Parce que je veux dire, je sais pas, c'est quand t'appelles que t'as des frustrations, c'est pas avant, en tout cas. En tout cas, bref. Ben écoute, si ça, c'est encore ouvert, c'est parce que ça doit servir à quelque chose. Ça doit être ça. J'aimerais voir quand même les statistiques du nombre d'appels haineux par rapport à avant cette invention-là. Oui, j'aimerais savoir aussi qui a démarré ça. Est-ce que c'est une des compagnies que t'es... Peut-être c'est l'équivalent de Bell là-bas qui a démarré ça. C'est Bell, hein, en tout cas. Donc, c'est deux entrepreneurs allemands qui ont créé cette façon de se défouler qui s'appelle Schimpfloss. Ça veut dire swear away, donc finalement sacré autant que vous le voulez. En Allemagne. J'aurais aimé avoir le numéro de téléphone, mais c'est 1,49€, 1,5€ par minute. Un chiffre complètement justifié, nous dit le créateur. Parce que pour se débarrasser de ta haine, c'est vraiment pas cher. Voilà. C'est super. Allez voir assemblagerequis.com pour les notes et les liens de C'est un fait. On va être dû pour une pause parce qu'après, ce sera David Ferron et sa chronique Les notes salées. Là aussi, on va vouloir se défouler un peu avec David. Parce qu'il veut laisser sortir tous ses personnages. On se défoule. Est-ce qu'on doit lui charger... 1,59€ la minute. Le taux de conversion en dollars canadiens, je sais pas c'est quoi, mais je vais faire mes recherches, puis on va lui chercher. Ça fait plus. L'équivalent. C'est le retour à Assemblage Requis jusqu'à 9h30. Fou d'excentricité. Sur le campus, à Trois-Rivières, c'est le 89.1. Assemblage Requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Assemblage Requis, l'émission matinale en pièces détachées. On est lundi 12 janvier 2015 et Stéphanie Paradis. Lui, c'est Mathieu Plante. Mm-hmm. On était en plein C'est un fait tantôt, alors je pense qu'on devrait y retourner. Hein? Y retourner, oui. On a déjà chanté la chanson deux fois aujourd'hui, donc on s'en passe. Ah non, troisième, c'est pas fait. Donc toujours, c'est un fait, les Simpsons sont jaunes parce que le créateur Matt Groening croyait que c'était la façon parfaite pour faire que les gens s'arrêtent sur la chaîne lorsque ça jouait sur Fox. Quand ils voyaient être jaunes sur leur télé, c'était impossible de ne pas s'arrêter. Ah. Et je crois qu'en effet, ça fonctionne. Aujourd'hui, c'est plus parce qu'on sait que c'est les Simpsons, donc on arrête parce que c'est les Simpsons. Ouais, c'est ça. Mais dans le temps, c'était parce que c'était jaune. L'énorme arbre de Noël à Trafalgar Square à Londres est donné par la Norvège à chaque année. C'est un remerciement pour l'aide du Royaume-Uni. Voilà. T'as peur. Mm-hmm. Pour l'aide du Royaume-Uni à la Norvège lors de la Deuxième Guerre mondiale. Voilà. Ah, intéressant. C'est un cadeau. C'est un peu comme la Statue de la Liberté. Lorsque Grégory Perelman... Je pensais parler de Grégory Charles. Oui, non, c'est son frère, je pense. Perelman, c'est le même prénom. Hein. Un mathématicien russe a trouvé la solution, bref, au problème le plus important de la topologie. Il a reçu la Fields Medal et le Millennium Prize $1,000,000. Il a refusé les deux en disant « La raison principale est mon désaccord avec la communauté mathématique organisée. Je n'aime pas leurs décisions, je considère qu'elles sont injustes. » Donc, il a refusé le million de dollars et la médaille Fields Medal. Hey, hein? C'est pas Grégory Charles qui aurait fait ça, là. Non, il aurait dit merci et en as-tu d'autres demain? certains oiseaux peuvent naître et exister en tant que gynandromorphes. Ça veut dire qu'ils ont les deux genres, donc masculin et féminin, et l'apparence mâle et femelle divisée latéralement, donc à la verticale. D'un côté, ils sont garçons, d'un côté, ils sont filles. Oh, ça, c'est bizarre. Gynandromorphes. Ginette Renault, t'as dit? Ginette Renault. Non, mais elle, on n'a pas de preuve encore que c'est pas à moitié encore? Un homme, c'est une femme. Ah, mais tu sais, jusqu'à preuve du contraire, oh. Steph. Hein? Tu ne peux que supposer. Alors, en 1942, il y avait un homme au Mississippi nommé le Phantom Barber. OK? Le barbier fantôme. Qui entrait par infraction dans les maisons des gens et leur coupait les cheveux. Ah non, bon, ça, c'est normal mon pire cauchemar, ça. Mais je préférais qu'il taille la barbe à mon chum. Tu pourrais se lever tout fraîchement taillé. C'est ça. Ça serait cool. Exactement. T'aimerais pas ça, travailler le matin avec la barbe déjà faite? Oui, puis si ça pouvait ne pas faire de dégâts par terre, ça pouvait ramasser les poils. Ben oui, quand même. Moi, c'est ça le pire, là. À chaque fois que je me rase, je me dis, ah là, si je me rase, je passe l'aspirateur avant. Tu sais, parce que ce serait plus logique dans mon temps de passer l'aspirateur avant, mais crime, je peux me raser après, il va y avoir du poil à terre. Je suis obligé de me raser puis de me rendre en journée pour passer l'aspirateur. Mais ça, c'est comme quand tu fais ménage, est-ce que tes poussettes avant la balayeuse ou tu passes la balayeuse avant les poussettages? Clairement, tes poussettes avant. Même chose que laver le comptoir, comme ça le dégât se ramasse à terre. T'as pas mais faire ça dépasse, tu sais, si t'as un linge qui ramasse tout, puis après ça, tu passes la balayeuse, ça revole dans les airs. Ouais. Moi, je pense qu'il faut que tu fasses époussetage, balayeuse, époussetage. En même temps, non. OK, je pense les faire en même temps. T'as deux mains, tu vas voir rien. La plupart des gens, encore une fois, notre public est majoritairement constitué dans le temps. Qu'est-ce que t'en sais? Je sais pas, on me l'a dit. Les études de marché, Steph, tu connais pas ça? Les BBM, non, excuse-moi, c'est pas les BBM, c'est les. C'est un autre nom. Numéris. Les ATM. Les ATM, non, c'est les Numéris. Et puis c'est pas sur. Sur Galaxy, c'est sur Stingray Radio. Tout change de nom depuis 2014, c'est ça? Change de nom. Bref, le barbier fantôme, on le salue. Steph, j'aurais pu profiter de mes mauvaises blagues de référence de changement de nom pour te consulter en même temps sur le nombre de faits. Est-ce que t'es rassasié ou on continue encore? Moi, j'en prendrais d'autres. Écoute, j'en prendrais encore pour un bon 29... non, pas 29. Là, je suis toute mêlée. 28, si tu mets la pause là-dedans. 18. 18? Ouais, 18. Ouais, 18. Ouais. Mais est-ce que ça dérange si on y va à coup de 5? Non, ça va. D'accord. Hey, j'ai vraiment eu de la misère à faire 29 moins 10. Hein? C'est difficile quand même. ça, je pense qu'il y a bien des gens qui le savent, mais une fois de temps en temps, il faut y aller avec des bases. Il faut remettre les piliers de la civilisation au courant avec les faits de base. Que Mr. Potato Head, Monsieur Patate, ouais. À la base, il n'y a pas de patate de plastique avec ça, tu sais ça? Comment? Tu sais pas ça? Yes? Oui, c'était une patate, une vraie patate. Zut, ok, je pensais t'apprendre quelque chose. Mais oui, donc, il n'y avait pas de patate de plastique, c'était un kit avec des morceaux de plastique qu'on poignardait dans de vraies patates. Moi, je trouve ça un peu triste. C'est un peu trash aussi, je trouve. Mais si tu vas sur assemblagerequis.com et que tu actualises la page d'émission d'aujourd'hui et que tu vas sur le premier bloc, le deuxième bloc de 5 dans la deuxième partie de la chronique, super simple, je veux dire, il faudrait être cap pour comprendre ça. Mais il va y avoir des photos. C'est une blague, parce que je sais que c'est compliqué. Il y a des photos des vraies patates et du jeu en tant que tel avec les éléments à poignarder dans votre pomme de terre. Intéressant. Oui. Un officier de police a offert de séparer un billet de loterie avec la serveuse de son restaurant préféré de Yonkers, New York. J'ai toujours adoré le nom de cette ville-là, Yonkers, je trouve ça bien drôle. À la place de lui donner un pourboire, un tip, finalement. Donc, le billet était gagnant, valait 6 millions de dollars. Qu'est-ce qu'il a fait après? Il l'a vraiment séparé avec la serveuse sans hésiter même une seconde. Oh. Si je dis que je vais faire quelque chose, je suis un homme de parole, je vais le faire. J'espère que l'argent ne me changera jamais, tu vois. Ça, c'est un mot du bon Jack de Yonkers. Est-ce que tu crois que c'est de là que l'Auto-Québec s'est inspiré pour ses publicités? Je les ai pas vues, raconte-moi ça. Non, ben, tu sais, c'est une publicité où il dit « En tout cas, si je gagnais le million, là, je te marierais. » Mais tu sais, ça commence avec un jeune qui marie une femme un peu plus âgée. Puis là, tu comme retour dans le temps, puis c'est comme la serveuse qui ramène du café. Puis en tout cas, toi, si je gagne un million, je te marierais. Puis finalement, ben, quand le million, fait qu'il y a marié, tu sais. Non, tu vois, j'ai un petit frisson. Je trouve ça cute. Oh! C'est cute! Ouais, mais il est peut-être pas heureux là-dedans. Probablement pas, mais il a tenu sa parole. Il aurait dû y proposer la moitié de sa somme comme M. Robert Cunningham, c'est son nom. Mais ça revient au même, c'est marié. Donc, elle a la moitié automatiquement. Oh! Ça, c'est un commentaire sur la société d'aujourd'hui. Non, mais tu sais, c'est un commentaire engagé. Ben voilà! Mon ben Dieu, voilà. Peux-tu croire qu'on a fait ça? C'est jamais arrivé jusqu'à maintenant. Donc, son nom est Robert Cunningham et ça a inspiré la comédie romantique de 1994, It Could Happen to You. Ah! Eh ben! Ensuite de ça, un coach d'une équipe de football au secondaire, évidemment, lui était pas au secondaire, mais il était au secondaire, mais il était coach. Il n'a pas étudié en secondaire, puis il avait en plus la job de coach, on s'entend. Donc, qui a demandé, pas qu'il a forcé, mais qui a demandé aux fans de sa propre équipe d'encourager l'équipe opposée parce que l'autre équipe venait d'une prison, donc d'une place correctionnelle juvénile à sécurité maximale. D'accord. Bref, des gens de prison. Il n'y avait pas de fans eux-mêmes. Donc, le coach de l'équipe de football a encouragé ses fans d'encourager l'autre équipe. Oh, c'est cute, pareil. C'est fun. C'est une bonne idée, ça. T'as tombé des beaux petits messages d'espoir ce matin, hey, de partage et de... Je suis cute, hein? Ouais. Cute, poppy. Parlons maintenant de Daniel Webster, qui a participé à la course pour devenir président et qui a perdu 3 fois président des États-Unis d'Amérique. Ah, ouais, j'imagine. D'accord. Parce que président du choix de... Ben, choix du président, je veux dire. Ouais. C'est qui s'appellerait demain. Donc, qui a participé à la course pour devenir président, il a perdu 3 fois. Il a refusé l'offre de devenir vice-président 2 fois. Il a refusé ça, pensant que ça valait absolument rien d'être vice-président. C'est comme premier des perdants, si on veut. Les deux présidents qui lui ont offert de devenir vice-président sont tous les deux morts au travail. Voulant dire que s'il avait accepté l'offre d'être vice-président, ben, il serait devenu président. Bravo. Félicitations. Ça mériterait qu'on se lève debout si c'était pas pour la perte de temps que ça allait occasionner. Incroyable. Donc, M. Daniel Webster, ça dit pas s'il est allé par la suite fonder le dictionnaire Merriam-Webster, mais je pense pas que ce soit lui. Excuse-moi, mais après la première fois, je me serais dompté, j'aurais accepté l'offre la deuxième fois. Non, vice-président, c'est quoi là? C'est un loser, ça là. Vice-président, non. Tu connais la série Bob's Burgers, ça s'est diffusé en français depuis récemment. Donc le pitch d'origine pour Bob's Burgers, c'était une famille de cannibales. Je sais pas si on dit de cannibaux en français, au pluriel. Non, pas du tout. Non. Donc c'est une famille de cannibales. Les cannibales fabriquaient dans le fond des burgers à partir de peaux humaines. Dans le pitch d'origine de Bob's Burgers. Voyons donc. Je te le promets, mais Fox trouvait l'idée trop sombre. Merci. Même pour Fox. Toutes les blagues que les Simpsons peuvent faire sur la Fox qui accepte n'importe quoi comme série. Ouais. Mais en effet, ça a vraiment été accepté. Pas accepté, mais accepté le pitch, finalement, mais après ça, refusé comme émission. En voilà 5 autres de fait. Je me demande si t'es vraiment capable d'accepter. Encore pour 13 minutes, je te dirais que je devrais être bon. Est-ce que tu penses qu'on va faire des multiples de 5 jusqu'à la toute fin de ces 13 minutes-là? Tu penses qu'on est capable d'y aller 5 à 5 à 5 à 5? Des multiples de 5? Ouais. C'est pas des multiples de 5? Ben, à date, c'est des multiples de 5. Hein? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Non? Oh! Je pense des multiples. Mais ça donne rien de parler en multiples. Non. C'est juste compliqué pour eux. Ben, c'est ça, des 15 multiples. Même moi pas. Je suis pas Grégory Richard. Non, je comprends pas tout ce que tu me dis. Grégory Richard. Il sait tout. Un prêtre orthodoxe grec. Je savais qu'il y avait des juifs orthodoxes, mais il y avait des grecs orthodoxes aussi. Grec? Quoi? C'est pas une religion grecque? Un prêtre juif orthodoxe grec, j'imagine grec étant juste sa nationalité, je connais rien à la religion. Je suis con, ça. Mais c'est pas une religion grecque, non? Non, mais orthodoxe, là. Oui. Oui. Donc, un prêtre grec, et ensuite aussi accessoirement orthodoxe, lorsqu'il s'est fait dire par les nazis de leur donner une liste des 275 juifs dans sa communauté. Donc, c'est un juif orthodoxe. Un juif orthodoxe, mais aussi grec. Mais ça n'a pas rapport! Je sais pas s'il y a un Y dans son nom, par contre. Donc, lorsqu'il s'est fait demander par les nazis de donner aux nazis une liste des 275 juifs de sa communauté, a brûlé la liste et leur a donné son propre nom à la place. Ah, oh, wow! Encore un nom qui s'est donné, là. Eh bien, ça, c'est intense, là. Et en plus, il devine, premièrement, il y avait un Y dans son nom. OK? Et en plus, il y a eu de la misère à l'écrire parce que c'est Chrysostomos of Smyrna. Smyrna? C-H-R-Y-S-O-S. S-O-S, comme dans la lettre. T-O-M-O-S. De Smyrna, S-M-Y-R-N-A, 2 Y dans son nom. Donc, c'est un juif orthodoxe grec avec un Y. Bon. Là, la barre est haute pour les prochains, là, pour le partage, coopération et don de soi. Là. J'espère te battre à multiple de 5. Dans le jeu vidéo Grand Theft Auto 4. Okay. Oui, je suis. Il y a un concours de beauté pour enfants. OK? Oui. Qui est montré comme publicité en ligne dans le jeu. Est-ce que les mères se battent? comme dans les concours de beauté télé-réalité à TV. Ouais. Je sais pas. Mais bref, ça, c'est en ligne, dans le fond, sur un furteur sur un ordinateur dans le jeu dans Grand Theft Auto 4. Okay. Il y a ça. Et si tu cliques dessus sur le concours de beauté pour enfants, tu reçois un niveau, un 5 stars wanted level, donc un niveau de recherche policière de 5 étoiles pour contenu pédophilique dans le jeu. Oh. Donc 5 étoiles, t'es recherché par la police directement dans le jeu. Très drôle. Les écureuils oublient là où ils cachent certaines de leurs noix, sinon même toutes, dépendant des écureuils. C'est pour ça qu'ils en mettent à plusieurs endroits. C'est exactement ça, selon les écologistes. Écologues, écologistes, bref. C'est la raison pour laquelle il y a des millions d'arbres qui ont été plantés avec le temps. Voilà. Parce que imagine, si t'as juste une place, t'oublies 100% des places, ça va mal. Ça va mal. Ensuite de ça, les musiciens du RMS, sur le RMS Titanic, ça c'était le bateau qu'on appelait communément le Titanic, hein? Ouais. Sont tous morts lorsque le bateau a coulé en 1912. Ils ont continué, ça on sait déjà, ils ont continué de jouer de la musique pour calmer les passagers aussi longtemps que possible. Ils sont tous morts avec le bateau. Tous ces musiciens ont plus tard été reconnus pour leur héroïsme. Pardonnez-moi. Donc, un des passagers de seconde classe a dit, et je cite, plusieurs choses braves ont été faites ce soir-là, mais aucune plus brave que les hommes qui ont continué à jouer, minute après minute, alors que le bateau coulait de plus en plus dans la mer. La musique qu'ils jouaient était leur propre requiem immortel et leur roi. Leur droit. Qu'est-ce que je raconte? Bref, ils ont le droit acquis presque de recevoir les honneurs sur le bateau. Ça aussi, c'est beau pour le don de soi. Oui. La France a eu son propre calendrier pendant une période de 12 ans, à partir de 1792. 12 ans? Pendant 12 ans. Hey, come on, un peu de conviction. Assume-toi quand tu prends une décision de même 12 ans. Non, mais les Français... Hein? Je m'excuse, là, je sais qu'on est en période de « Je suis Charlie, nous sommes Charlie, whatever », hashtag. Mais tu sais, reste que la France sont réputés pour être mou un peu. Mou? Avec le temps. On s'entend-tu que s'il y a une place où c'est mou, c'est bien au Québec, là? Aussi. Gang de moutons? Oui, tout à fait. Tout à fait, mais tu sais, de parler contre un pays ne vient pas calmer les ardeurs d'un autre. Ah, oh, je sais pas. Mais bref, ouais. Hein? C'est pas parce que je parle contre la France que je parle pas en mal contre le Québec. C'est ça que ça veut dire. On est quand même cousins. On est pas mal cousins. Bref, la France, les mous, c'est connu, ont eu leur propre calendrier basé sur le système métrique. C'est vrai. C'est vraiment basé vrai. Basé sur le système métrique? Je te jure. Chaque semaine avait 10 jours. Chaque jour avait 10 heures. Chaque heure avait 100 minutes. Et chaque minute avait 100 secondes. Pendant 12 ans, en 1792. Ils se sont rendus compte à la fin que ça marchait pas, là. Ça marchait pas de même du tout. Ils sont revenus à... Dans le fond, on n'est pas sur un système britannique d'heures. C'est pas parce que, mettons, tout le reste est divisé par 12, mettons, les 1000. Non, ça n'a pas rapport. Ça, c'est un système britannique, un système anglais, genre. Mais les heures, c'est pas à cause de ça. C'est à cause des révolutions. Puis de ben, c'est à cause qu'il y a un calcul scientifique derrière ça qui fait que au bout de l'année, ça fonctionne. Exactement, puis c'est divisable, puis tout ça. Puis là, il va y avoir quoi? Une seconde de plus en 2015? Parce qu'à chaque quelques années, il se perd quelque chose, puis il faut en une fait, seconde de plus. En fait, aux 4 ans, il y a une journée de plus. Ben, c'est ça, ouais. Ben, c'est parce que dans le fond, c'est un quart. On a comme un quart de trop ou de pas assez là, à chaque année, fait qu'on doit rééquilibrer avec l'année bissextile. Mais c'est ça, mais je disais qu'il y aurait une seconde de plus cette année, à 2015. Une seconde de plus en plus de la journée bissextile. En tout cas, bref. La seconde, elle va être où? Elle est placée où, la seconde de plus? Il y a une place, en effet, mais là, j'ai pas l'article avec moi, mais... Mettons que c'est un fait, mais pas ça, tu sais, mais ça reste vrai pareil. Est-ce qu'on doit reculer nos horloges d'une seconde à ce moment-là? Probablement que ça paraîtra pas vraiment ces horloges qui sont calibrées à la main, mais les horloges atomiques vont, elles, tenir compte de cette seconde-là. Les horloges d'ordinateur et téléphone cellulaire vont tenir compte de cette seconde-là. Bref, fascinant. La France, ouais, ça l'est vraiment, j'aurais aimé le retenir plus que ça pour vous en parler, mais la France, pendant 12 ans, en 1792, avait son propre calendrier. On est rendu encore à un point de sauvegarde, comme dans le jeu vidéo, je dois te demander de sauvegarder par Start. Start Select. Oui, pour sortir du tableau. Que Contrôle t'as déjà complété. Alt, supprime. Exact. Ou sur un Mac, commande, option, escape, échappe. C'est vrai. Là, je suis mêlé. Un petit peu. Donc, t'es prête pour un autre bloc de 5? Oui. Les producteurs... des producteurs de spectacles ont donné à un homme sans-abri 100 000 $ pour faire ce qu'il voulait. OK? Pour une télé-réalité. D'accord? À l'intérieur de 6 mois, il avait presque dépensé tout l'argent et éventuellement, il était en faillite et redevenu sans-abri. Donc, il y a des gens qui sont faits pour être sans-abri, je pense. Oui. Ils sont pas capables de faire ce qu'ils ont à faire avec leur argent correctement. Ouais, mais c'est parce qu'on s'entend-tu qu'une télé-réalité avec un sans-abri qui met 100 000 $ mettons 90 000 $ de côté pour faire des économies, ça fait pas une télé-réalité super malade, là. Non, mais tu sais, Musique Plus, ils achètent n'importe quoi, en fait. Je sais pas, c'était pas pour Musique Plus. Non, mais tu sais, c'est parce qu'on s'entend qu'ils ont sûrement fait des entrevues et pris le sans-abri qui avait le moins de chances de faire des économies. Mais ça. Il a sûrement dépensé ça dans des tatous, là, pis c'est genre tatou perdu, ou je sais pas quoi. Musique Plus, pour la maudite émission de tatou. Ils sont tellement gossants. En 1997, un garçon de 23 ans, aux cheveux bruns et aux yeux bruns, un Français, en plus, donc mou, a imité un garçon. C'est tout à l'envers parce que c'est en anglais l'article, fait qu'il faut que je traduise mot à mot. C'est 23-year-old brown-haired, brown-eyed Frenchman. Donc c'est un Français aux yeux bruns et aux cheveux bruns. A imité un garçon recherché, donc introuvable, texan, aux yeux bleus, aux cheveux blonds, de 16 ans. Donc il a imité un garçon comme ça qui était complètement le contraire de lui-même. Et les parents l'ont cru. Belle. Et il a vécu avec une famille du Texas pendant un bout de temps. Ben là. Les gens ont trouvé ça suspect. Le garçon disait que ses capteurs, les personnes qui l'ont capturé, voilà, avaient changé sa couleur des yeux et sa couleur des cheveux avec des produits chimiques. Et qu'il avait changé d'accent parce qu'il avait vécu en Europe pendant un bout de temps. Il refusait de donner des échantillons de sang ou de faire prendre ses empreintes pour confirmer son identité. Il refusait de nommer les personnes qui l'avaient enlevé. En février 1998, le FBI a reçu un ordre de la cour pour prendre vraiment les empreintes et déterminer si le garçon était vraiment ce qu'il disait être. Les empreintes ont identifié le garçon comme étant Frédéric Pierre Bourdin, un citoyen français de 23 ans qui imitait donc le jeune garçon. Bourdin avait une historique criminelle en Europe et avait utilisé plusieurs alias, plusieurs surnoms, bref, fausses identités. Il a plaidé coupable pour fraude de passeport et pour avoir menti à la cour en 1998, admettant qu'il avait imité un garçon après avoir trouvé ses informations au petit garçon dans un centre d'enfants recherchés, d'enfants perdus introuvables. Je trouve ça triste. Mais probablement que les parents, soit ils étaient vraiment, vraiment cons, mais je penserais pas. Selon moi, c'était plus un peu du désespoir, puis ils étaient juste contents d'avoir un fils à la maison. Exactement. Je trouve ça vraiment triste. C'est de profiter des gens pas mal. Le petit garçon, tu te rappelles du film The Shining? Jack Nicholson, oui, qui est là-dedans? Je l'ai pas vu, malheureusement. Non plus film d'horreur, donc je pense pas le voir non plus. Mais donc le petit garçon. Film d'horreur. C'est Stephen King, c'est pas si pire. En tout cas, mais le petit garçon qui jouait le rôle de Danny dans le film d'horreur de Shining a été tellement protégé par le réalisateur Stanley Kubrick. Donc j'imagine que Stephen King, ça doit être... Est-ce que Stephen King a travaillé sur... Mais c'est l'auteur. L'auteur, ok. Et Stanley Kubrick est le réalisateur. Donc pendant qu'il filmait le film, bref, ils ont tellement protégé le garçon qui jouait Danny que Danny ne savait pas que c'était un film d'horreur jusqu'à plus tard dans sa vie. Depuis, il a abandonné le métier d'acteur et est devenu professeur de sciences. Le petit qui mais joue c'est bien, je pense que c'est une bonne chose parce que on s'entend, il y a sûrement des trucs assez traumatisants dans des tournages comme ça. Ouais, je pensais à dire, c'est une bonne chose, il est pas bon acteur pareil. Non. Mais non, je t'ai dit, je l'avais pas vu. C'est ça. Philip Workman. J'imagine le frère de Danette. Hein? Ouais, probablement. Non, Philip Workman, tueur de policiers, a refusé son dernier repas, demandant à la place qu'une grosse pizza soit donnée à un sans-abri à Nashville. Sa demande a été refusée, mais en réponse à ça, des gens de partout dans l'État ont donné des pizzas. Ouais, à des places pour qui accueillent les sans-abri. Ah, bah, c'est normal fun, ça! Encore des gens qui donnent des affaires à d'autres, là! Wow! C'est trop positif. Il y a... Tu sais, dans des parcs d'attractions, là, pas un manège, mais tu sais, c'est ceux qui font des boucles, tu sais, c'est comme un manège, mais c'est comme un roller coaster, bref, c'est un manège. Montagne russe. Ça reste un manège. Ça reste un manège, mais je cherchais la sous-catégorie qui est montagne russe. Donc, il y a une montagne russe à Duisburg, en Allemagne, sur laquelle on peut marcher. Il y a vraiment des places où on peut marcher sur cette montagne russe. Donc, on le voit sur la photo sur assemblagerocky.com. Mais c'est comme une montagne russe. Évidemment, on peut pas faire des boucles dans les airs. J'imagine. La tête en bas, mais on peut marcher sur le reste. Et donc, faire ça. Ça donne pas grand-chose? Pas grand-chose, okay. Mais bon. Allez voir les photos. Et il y a des escaliers et tout ça. Donc, c'est quand même bien fait. Plusieurs photos sur le site. Voilà, je pense qu'on est arrivé à notre but. On n'a pas le temps pour plus de c'est un fait. Ça finit là. Je sais que je te demanderais bien, je pourrais te demander, tu pourrais faire semblant que t'as plus le temps ou que t'es plus capable. As-tu encore de la place pour d'autres faits? Ouf! Non, je pense que je t'en ai. Il me semblait aussi. J'ai un petit peu faim. Je le voyais dans ta face. Fais-tu une grosse pointe à l'adresse si tu vas parler de pizza? Ah non, non, c'est pas aujourd'hui ça. À la place, on va revenir au retour avec David Ferron. Ah! On vous a promis tantôt une chronique magnifique des notes salées, donc ça s'en vient dans quelques instants à Assemblage requis. Sur C'est fou. 89 FM. Écoutez-nous en direct sur le web sur cfou.ca. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Vous êtes toujours à Assemblage requis en ce lundi 12 janvier 2015. David Ferron arrive en studio. Salut David. Ben salut Mathieu, comment ça va? Ça va très bien, merci beaucoup. T'es correct, les notes salées s'en viennent? Oui. Mais avant ça, une petite pièce de Guillaume Beauregard, t'intéresses-tu? De qui? De Guillaume Beauregard. Oui, je pense que j'avais déjà entendu de ces tunes, mais j'ai bien hâte que tu me rafraîchisses la mémoire. Tu vois, peu importe où je le mets, on dirait que tu regardes si c'est Beauregard. Oui, en effet, je regarde toi, peu importe comment tu bouges la pochette. C'est moi qui regarde. Oui, exactement, j'ai le regard fixe sur toi, mais Guillaume, Beauregard, je suis sûr que mes oreilles et mes tympans vont rester fixés à son, à sa mélodie. Toi, tu sais comment vendre une chanson. Ben oui. Entre les miroirs et les masques, entre les chandelles et la misère en vrac, je longerai toute ma vie les couloirs dans un magasin à une pièce. Entre un miracle et un désastre, entre le sommeil et la cour à scrap, je longerai toute ma vie les couloirs dans l'ombre et la noirceur opaque. C'était Guillaume Beauregard et la pièce Entre les mots et les actes. Assemblage requis, c'est un nouvel extrait de son album D'étoiles, de pluie et de cendres. On accueille David Ferron. On parlait de gris en rond, de différentes nuances de gris, parce que Caroline a du gris dans le studio, c'est de même, hein, jugez-nous pas. Puis là, tu m'as fait un mauvais jeu de mots, toi, puis je suis pas sûr de le prendre. Ben non, c'est par rapport à un pays européen. Quand tu m'as dit Fifty Shades of Grace. Ben oui, le pays de la Grèce. Ah oui, la Grèce. Ben oui. Ben oui, les Grecs orthodoxes. Ben ça, oui, ben la oui. Même petite araignée, puis tout ça. Là. La petite arrêt de nez ou araignée? L'araignée de la mer. Ok, l'arrêt de nez, je pensais que t'étais en train de dire que j'avais une craque dans le nez. Ça arrive, ça. Non. T'as un nez parfait. Pas sûr de ça, par exemple. Ça nous amène à parler de musique d'un petit peu partout. Là. C'est les notes salées. Salé, David, salé, il boit du kombucha. Il n'y a pas de cire dedans. Moi, je trouve qu'il va à l'encontre de ses valeurs. En tout cas, il y a beaucoup de sucre, par exemple. Il est comme un acrobate qui serait comme à l'envers de la réalité, parce que la gravité est autre pour David. Il est à l'envers sur sa chaise. Il y a quand même 9 grammes de glucides, mais il n'y a pas de mention de sel, en fait. Non, aucune, hein? Il n'y en a pas des ingrédients, en tout cas. Même pas pour ajouter du goût, parce qu'on sait que le sel, ça rajoute du goût et ça goûte pas nécessairement salé. C'est vrai. Mais en fait, tu te souviens, on avait goûté à ça, la kombucha, dans... Je sais pas aimé ça du tout. Non, c'était vraiment dégueulasse. Toi, David, aimes-tu ça, le kombucha? Je découvre. Ou tu bois ça juste parce que c'est supposément tout ça, les aspects santé, parce que t'es in. Moi? Ben, juste parce que je voulais essayer un nouveau truc. Bon, ben, t'aimes tu vois. T'aimes ça? Ben... C'est différent, hein? Ouais, petite pas gorgée par petite gorgée. C'est quelque chose. C'est particulier, c'est comme piquant un peu. C'est pas... Moi, j'ai pas aimé ça. C'est comme la première fois qu'on essaie du sushi. Non, le sushi, c'est vrai, la, non, la première fois que j'ai essayé du sushi, j'ai aimé ça, puis à un moment donné, je vais être malade. Oh, ah ouais? Ah, le coup de foudre total de la première. Pas la première fois, non. Et ben, donc, c'est peut-être le resto aussi. Oui, ben c'est ça, ça dépend de la place. Ouais, hein? c'est comme le kombucha, ça dépend de la marque. Hein? C'est comme David Ferron, ça dépend de la semaine. Hein? Donc aujourd'hui, on a... Je suis toujours délicieux, Mathieu. Oui, c'est vrai. Boucher, après gorgé. C'est pas Boucher, c'est Ferron, son nom de famille. Excusez. On va se prendre une Ferronne. Ah, on dirait Ferrero. Ferreron. Ferreron. Ouais. On dirait un pharaon, je trouve que ça met la barre haute un peu. Est-ce que tu vas nous poser des questions? Parce que ta thématique aujourd'hui, c'est le défoulement. Donc, on se défoule, c'est la thématique, c'est le thème. Oui, exactement, parce que comme vous pouvez le constater, on a un super beau mois de janvier, autant au niveau de l'actualité internationale qu'au niveau de la température. Tout est positif partout, hein? Oui, sérieux, il n'y a que des enfants multicolores qui se promènent partout dans du gazon vert, mais naturellement. Est-ce que c'est du sarcasme? Je sais pas. David, oui. C'est difficile à déterminer des fois. Hein, c'est... Oui, mais pas dans ma tête. Je sais pas comment ils font dans les autres radios, bah, où ils sont tout le temps de bonne humeur pour parler de ces affaires qui se passent en France. Hey, ce matin! Il y a eu 12 morts! Non, ils doivent être super de bonne humeur. Non, je pense qu'ils ont plus un ton solennel, et ce qui est quand même bien, quand même, parce que pour l'instant, dans la plupart des radios, comme Mathieu et Steph, ben, vous êtes des professionnels. Ah, ouais, c'est connu. Là, ouais. Oui, c'est sûr. Vous... J'aime bien être avec vous, mais bref, pourquoi on se défoule? Parce que c'est trois... Ça ne voulait rien dire, ça. OK, donc on se défoule, vas-y. Oui, donc je vous présente trois chansons Made in France. OK. Donc, ah, est-ce que c'est une thématique par rapport à ça? Oui, puis non, en fait, parce que je voulais rendre hommage à des artistes français, parce que, oui, par rapport à ce qui est arrivé avec Charlie Hebdo, mais il y a des artistes français au niveau de la musique qui méritent également d'être connus. Ce sont des artistes intègres qui n'ont pas peur de cracher ou de composer ce qu'ils ont à dire, tout simplement. Et je voudrais simplement qu'on rende un petit hommage à ces artistes-là ou qu'on les mette en lumière. Ouais, c'est une bonne idée. Alors, d'abord, il y a la pièce « Je ne veux pas rester sage » de Dolly. Et ça, sûrement, vous l'avez déjà entendu parce que ça a été quand même un bon succès dans les années 90. Sur les hits parades. Oui, exactement, mais on est loin de Do You Saint-Tropez. C'est beaucoup plus... En fait, c'est très grunge. Parle pas contre la musique de mon enfance. Mais non, ben, vieux. Ouais, je sais. Arrête de trahir ton âge. Ah oui, c'est vrai, puis en même temps, il y avait les sultans. Ah, c'était le fun, ça, c'est vrai. Ah, ben, je trahis mon âge. Eh, merde. Oui, ben oui. Maudit. Donc, Dolly, c'est un groupe français dont deux des membres, c'est-à-dire Emmanuel Monnet au chant et Thierry Lacroix à la batterie, jouent ensemble depuis 1989, et ce, au sein de différents groupes. En 1995, Dolly prend sa forme définitive avec deux autres musiciens. Un producteur écossais, Peter Murray, découvre soudainement le groupe et le met en contact avec un réalisateur au nom de Clive Martin, qui a travaillé entre autres avec des nobody comme Queen, David Byrne, puis Yosorendo. Wesh. Ben oui, des nobody. Ainsi sort leur premier album de Dolly, qui est éponyme, et est tiré le titre qu'on va entendre, Je ne veux pas rester sage. Et le groupe par la suite sort 4 albums jusqu'à la mort accidentelle du bassiste Michael Chamberlain. Donc le groupe se sépare à la suite de cet accident-là. Là, s'il se sépare, j'ai pas juste faire la blague de Dolly Parton. Allons-nous-en, Dolly Parton. Moi, c'est... Non, j'ai pas le choix de la faire. Quand j'ai un... Ça, c'est pas bon. C'est pas un bon signe. Non, c'est un écureuil qui cherche chez nous. You're nuts. Oh, look at my nuts. Donc, le titre « Je ne veux pas rester sage » de Dolly, ça évoque une espèce de mélange de souffrance, de volonté de profiter à fond de sa jeunesse, mais aussi en même temps un désespoir quant à l'avenir. Donc, je vous récite un peu le refrain. Le refrain, c'est « Je ne veux pas rester sage, j'aime le souffre et l'envie d'abuser de mon âge, je ne veux pas rester sage. » C'est quand même des belles paroles. Oui. Et ils veulent faire le party, le Dolly party. T'abuses. Non, j'abuse. Ouais. C'est mon genre. Mais c'est pas vraiment t'aimes pareil. Bah. Oui. Donc, ça, le, c'est-tu un on qui exclut la personne qui parle? C'est un... C'est juste pour vérifier, ouais. Là. Je sais plus, je suis pas bon dans les pronoms. Où, je signe où là-dessus? Donc, pour revenir à nos moutons. Oui. Donc, en fait... C'est vrai que t'es particulièrement frisé ce matin. C'est vrai, oui. Hey, t'as raison. Mais il y a vraiment des belles boucles. Une touffe bouclée. On dirait des petites cornes. C'est vraiment joli. Fait qu'on prenne une photo. Merci. Donc, Petit Mouton va ensuite tricoter sa laine pour offrir le chandail à Blancas, qui est en fait une initiative des frères Ledoux, soit Guillaume et Johan, qui fondent le groupe en 1990. Mais avant, ils ont eu un autre groupe qui s'appelle Zéro de Conduite. OK. Donc, Blancas, le nom du groupe est en fait l'abréviation d'un apéritif nommé Blancassis ou Kir. Donc, les membres du groupe de Blancas prennent position également socialement, notamment pour se porter à la défense des immigrants venus en France notamment, tout pour faire plaisir à Marine Le Pen. Mm-hmm. Donc, avec son rock quand même assez accessible, ils se font traiter au début de leur carrière de populistes et de rockeurs ruraux. Bref, ça donne l'impression... d'entendre du Caïn, mais faut faire attention. Avec ce que je viens de dire, c'est pas, on est loin de Caïn. J'espère. Oui, je vous rassure. Sur les ondes du 89 FM, Caïn, là, hein? Non, Caïn. Non, je vous rassure. C'est que, avec la réception du prix Roger Cellier du meilleur groupe par la SACEM. La SACEM, c'est la Société des auteurs-compositeurs en France. C'est comme t'aussi, la SOC. Toi aussi, Mathieu, tu trouves que Roger Cellier, ça sonne alcoolique. Vraiment. C'est la cave à vin de Roger Cellier. Mais en fait, c'est Roger Cellier. Cellier, c'est quand, puis quand tu perds, tu dis quoi? J'aurais essayé. Cellier, un autre jeu de mots. Cellier! Oh! Eh oh! OK. Cellier, tu es pas magnifique. Donc, justement, et aussi, le groupe a des propos quand même assez engagés. Donc, on oublie les comparaisons avec Caïn, finalement. Ben, s'il te plaît. Ben oui. Donc, Fatigué, la pièce qu'on va entendre, ça mélange préoccupation sociale et personnelle. Ça raconte, en fait, l'histoire d'un homme préoccupé socialement qui parle à sa femme qui, elle, a l'air à s'en foutre. Disons-le comme ça. Et la dernière pièce qu'on va entendre, c'est Ça me vexe de Mademoiselle K. Donc, Mademoiselle K, c'est en fait un groupe rock français qui était autrefois un quatuor, mais là, c'est devenu un trio. Et là, la formation Mademoiselle K, ça gravite surtout autour de sa chanteuse Catherine Gierac. Et par ailleurs, sur les pochettes d'albums, on ne voit qu'elle, c'est-à-dire Catherine Gierac. Et Catherine, c'est une artiste qui dernièrement a fait des sacrifices professionnels. C'est-à-dire que son dernier album qui a été fait avec son groupe, qui s'appelle Hungry Dirty Baby, qui sort la semaine prochaine. Donc, ça a été enregistré en anglais et son label a dit « Tu l'enregistres ton album en français ou sinon on te slack. Okay. » Et elle s'est fait slacker parce qu'elle voulait enregistrer son album en anglais. Ben, il faut ce qu'il faut. Hein. Eh oui. Si elle voulait faire ça, ben elle va se trouver une autre étiquette, c'est ça. Oh, ouais, puis là, je pense que c'est sorti de manière indépendante parce que son album sort la semaine prochaine. OK. Donc, par contre, la chanson qu'on va entendre, Ça me vexe, ça fait partie du premier album qui est nommé Ça me vexe. Et en fait, la chanson Ça me vexe, ça raconte les difficultés de la chanteuse à avoir un contrat de disque. Elle n'est pas en anglais, la chanson. Non, elle est en français parce que c'est son premier album, Ça me vexe, qui est sorti en 2006, qui est en français. J'avais pas suivi ça, OK. Mais non, c'est pas grave, Mathieu. Ça me vexe pas du tout. Non. Mais non. Mais non. Et justement, dans cette chanson-là, elle exprime toute sa frustration de ne pas recevoir d'appels, de ne pas être convoitée. Bref, ça l'a fait chenoute. Donc, ironiquement, en plus, cette chanson-là qui n'a pas été un super gros hit, en fait... La plus grosse position de cette chanson-là, quand c'est sorti, c'est un top 82. Ouais. Mais ironiquement, cette chanson-là, ça a été reprise plusieurs fois par des candidats de la télé-réalité. Nouvelle Star, qui est le American Idol français. Ouais. Par contre, Nouvelle Star, c'est un excellent programme parce qu'il y a plein d'artistes qui nous font découvrir des tunes qu'on sait même pas. Ouais, au moins, un point positif, c'est de faire découvrir des chansons moins connus et les massacrer ensuite. Mais non, pas eux, parce qu'en fait, il y en a plusieurs qui sont des auteurs-compositeurs et qui reprennent vraiment leur manière des compositions. On est loin de La Voix ou American Idol. C'est vraiment... Je vous dirais que souvent, l'émission est même au contraire très critiquée parce que c'est considéré comme une émission bobo hipster. OK, Ah ouais. Oui, il y a des gens qui critiquent et justement, le jury peut être assez des fois. Oui, par exemple, il y a un jury qui voulait partir, se jeter de la fenêtre parce qu'un candidat faisait pas du tout l'affaire. OK. Ils sont à l'extrême un petit peu, mettons. Ouais, exactement. Okay. Mais qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour faire un show? Ben voilà. Donc, on va écouter les chansons suivantes. C'est Ça me vexe de Mademoiselle K. En fait, avant, ça va être Fatigué de Blancas. Mais là, on écoute Je ne veux pas rester sage de Dolly. C'est bien de salut avec David Ferron. Ouais, sur les ondes de C'est fou de 49 FM. Le mal est entré, meilleur ennemi. Il sait m'abandonner, me ramener près de lui. Je ne veux pas rester sage. J'aime souffrir l'envie, abuser de ton mal en douceur. Le mal est entré et je sais qu'il détruit, qu'il pourrait me faire crever. Que reste-t-il ici? Je ne veux pas rester sage.

fatigué. Personne t'aime. Ah ouais, je me disais bien. Personne t'aime. Ah ouais, je me disais bien. On m'appelle pas, on m'invite pas dans les soirées. Watchy watcha, je dois pas sentir comme il faudrait. L'argent et le succès, et ça me vexe, et ça me vexe, et ça me vexe, et ça me vexe. Ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah. Ma tenue de combat, avec ça vous ne ferez pas le poids. J'ai payé quand même un peu cher pour un truc qui laisse dans la galère. J'ai changé plein de fois de messagerie, mais personne m'a encore dit oui. On t'appellera, t'inquiète pas, si ça nous plaît. Ouais ouais c'est ça, je dois pas sentir comme il faudrait. Bla bla bla bla, si ça nous plaît. Ouais ouais c'est ça. Je dois pas sentir comme il faudrait. Le money et le succès. Et ça me vexe. Et ça me vexe. Et ça me vexe. Et ça me vexe. Ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah. Dans les soirées, ouais, ben tant pis pour toi. Ah, ah, ah, ah, ah. C'était Ça me vexe de Mademoiselle K, précédé de Fatigué de Blancas. Et là, pour commencer ce joli trio défoulatoire, eh bien, c'était Dolly avec la pièce Je ne veux pas rester sage. Défoulatoire. Oui. Eh ben. Nouvelle façon de dire les choses. Oui, mais je crois que, Stéphanie, toi qui es une experte en langue française, défoulatoire, ça se dit... Que j'en sais, moi! Faudrait aller vérifier défoulatoire. Oui, oui, cherche-nous ça sur un de tes 3 ou 4 téléphones intelligents dans tes poches. Non, j'en ai juste un qui est intelligent, qui est un BlackBerry, et l'autre qui me sert de lecteur. De lecteur MP3? Oui. OK, d'accord. Bref, merci David Ferron pour ta chronique qu'on va reprendre tous les lundis jusqu'à nouvel ordre à 8h30. Ben pas la même chose, tout le temps une thématique différente. Oui. Je préférais vraiment une nouvelle chronique avec un nouveau contenu chaque semaine. Non, on repasse les mêmes 3 tonnes jusqu'à la fin de la session. Yay! Hey, vos 3 préférés. Ah ben non. Ouais, j'ai pas. Ouais, c'est bon. Ça va, tu blagues, quoi. La troisième, moi, particulièrement. Ouais, ça me vexe. Ouais? Ouais. Ouais, t'es pas vexé, Stéphanie. Non. Mais ça, ça défoule, en effet. Et là, je vais voir, justement, si défoulatoire, ça se dit. OK, mais moi, j'attends encore la réponse. C'est un peu long. C'est un petit peu long. Ça. Moi, je trouve que, tu sais, on est 3 à chercher en même temps. T'sais. Non, en fait, moi, je vais te dire, ça devrait être moins long. Défoulatoire. Mais en tout cas, il y a Carnet défoulatoire pour les mamans débordées qui existe. Ouais. J'ai l'impression que c'est très français comme expression. Ça ressemble à ça. Ouais. Défoulatoire. Je pense pas que ce soit un vrai mot. Défouler. Non, je... Ben, c'est... Il y a carnet défoulatoire pour les déçus de Sarkozy. Donc, c'est très français comme mot. Donc, je crois pas qu'on aurait ça dans un dictionnaire québécois. Non. Même à ça, je pense pas que ce soit écrit dans le Larousse ou dans le Robert. J'ai l'impression que c'est un petit mot néologiste. Voilà, David Ferron, l'inventeur de nouveaux termes. Il est encore en train d'écrire défoulatoire sur son téléphone. Non, il a sûrement fait 3, 4 autres affaires en même temps. Oups, il y a un courriel, oups, il y a un Twitter, oups. Fait qu'on se rendra jamais. David Ferron, lundi, à 8h30, à Assemblage Requis. C'est notre seul chroniqueur régulier du lundi en ce moment. Parce que je suis le seul tout court. Hein? Parce que je suis le seul. Le seul et unique David Ferron. C'est ce que tu veux dire. Mais non, le seul chroniqueur du lundi. Ben c'est ça qu'il vient de dire. Ça, j'ai dit. Mm-hmm. C'est le chroniqueur régulier du lundi. Ouais. Ça veut dire qu'on peut avoir d'autres affaires, mais qui ne seront pas régulières nécessairement. C'est ça. J'essaie des fois de faire des forces, Christian. Mais t'écoutais visiblement pas. Non, c'est ça. Pour une fois que c'est pas moi. Hey, oh. On prend une pause au retour. Crime, ça va être le moment de parler de marketing dans le bloc pub. Oh. Alors restez là. Assemblage Wiki, l'émission matinale en pièces détachées sur le 89 FM. C'est fou. Assemblage Requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Vous êtes à Assemblage Requis et à 9h04 en ce lundi 12 janvier 2015, c'est Stéphanie Paradis. Lui, c'est Mathieu Plante. Oh oui, une dernière portion d'émission, une dernière semi-demi-heure, probablement dans ces coins-là. L'émission dans laquelle on va faire le bloc pub, qui est la chronique marketing. Puis je pense que quand même, on a assez écouté de musique avec David Ferron, qu'on devrait commencer tout de suite. Donc allons-y, parlons ensemble de marketing, c'est le bloc pub. Venez au bon marché. Oui, papa. Tout le monde. Je préfère le goût de Burger King. Ouh, papy belle, papy belle. Le goût appétissant, le goût des adhérents. I love you and I kiss you. 4,99 la minute. C'est le bloc pub, la chronique dans laquelle on parle de marketing, que ce soit à la télé, à la radio, dans les médias imprimés, dans les... peu importe, les pancartes, les babillards, les... partout. Les... etc. Dans les dépanneurs, sur le web, toi, nabarou. Commençons avec les étudiants de l'UQAM qui inventent le petit dictionnaire montréalais. Donc, ouais, on tricolore, on poutine, on brrr. Voici quelques exemples du lexique créé par les étudiants pour l'identité visuelle du 375e anniversaire de Montréal. Les célébrations du 375e anniversaire auront lieu en 2017 et en septembre dernier, 45 étudiants de l'école de design de l'UQAM ont reçu comme mandat d'imaginer l'identité visuelle de cet événement. Chaque équipe composée de 3 personnes devait représenter socialement et culturellement la ville par un concept global porteur de messages et d'idées. Avec le petit dictionnaire montréalais, les étudiants ont donc proposé une offensive axée sur un langage propre à Montréal. Donc Montréal, ville d'ouverture d'esprit incomparable où multicultiver nous rend fiers, où tricolorer une bière à la main n'est pas un loisir mais un mode de vie, ville où l'on brrr en attendant la belle saison pour Mont-Royalais au son des tam-tams et festivalés bien sûr. En 2017 à Montréal, on 375 qui ont fait un verbe avec ça. On retrouve aussi différents néologismes tels que bixisé, bilinguisé et olympiqué. L'identité visuelle de l'offensive a entre autres été développée de manière fictive pour différentes affiches publicitaires, une application des vêtements et le dictionnaire lui-même. Mm-hmm. Mm-hmm. L'organisme Maison Bleue a fait appel à Densubos pour sa campagne de financement 2014-15. La Maison Bleue, c'est une OSBL qui aide les jeunes mères. Ils ont lancé une offensive avec le thème « Devenir mère, c'est parfois lourd à porter ». L'annonce imprimée, déclinée dans les journaux et en affichage intérieur, présente une femme dont le ventre est porté sur le dos comme un fardeau. Ah, oh, comme Thérèse dans Petite Vie. Elle a déjà eu dans le dos. Ah ben! Ah ben, ils ont imité la petite vie, un humour d'il y a 15-20 ans. Ouais, mais là, c'est pas drôle. Là, c'est pas drôle, non, ça, c'est sûr. Là, mais c'est quand même basé sur une joke. Donc, oui, la femme qui a pas de bedon en avant, mais un bedon en arrière. Et on voit que sa main droite... Clairement photoshopé. Sa main droite est quand même placée comme une main serait placée sur un ventre de femme enceinte. Et puis, au volet radio, on l'écoutera pas, là, mais ça reprend le célèbre Fée Dodo, un classique de l'univers enfanté, en dramatisant les paroles de façon à créer un contraste entre la douceur de la mélodie et la dureté du propos. À moi, si t'intéresse de l'entendre? Pas du tout. On va l'écouter pareil. On va le voir dans la tête. J'ai commencé, ouais. C'est ça l'affaire. Fée Dodo, colle à mon petit frère. Fée Dodo, t'auras du lolo. Maman est en haut, qui a le cœur gros. Papa est en bas, une aiguille dans le bras. Fée Dodo, colle à mon petit frère. Fée Dodo, t'auras du lolo. La Maison Bleue accompagne les familles en difficulté pendant la grossesse et le développement de l'enfant. Donnez vie à l'espoir. C'était Glenn Tremblay. Ah, pour vrai? Ah, ben, quand même. Et la voix de la chanteuse, on ne sait pas, mais c'est quand même quelqu'un qui a une bonne voix, je trouve. On change de sujet complètement. Gibson, la compagnie de guitare, qui a construit un trône de fer à partir de guitare. Est-ce que t'as vu ça? Gibson, donc, qui a fait un... Je le vois, là. Ah, ben oui, c'est pour ça que tu le vois, finalement. Parce que tu le regardes. Au Consumer Electronics Show, en fait, je vais tout de suite me corriger en disant que depuis quelques années, on n'est plus supposé dire le Consumer Electronics Show. Donc, si vous entendez ça au lieu de CES, on est supposé dire le International CES. Et le CES ne veut plus rien dire. Oh! C'est ce qu'on dit. Bref, ils ont quand même créé le buzz avec donc c'est une compagnie de guitare, bien sûr, qui a fait des vagues. Et comment est-ce qu'ils ont fait des vagues? Ils ont construit le trône de fer de Game of Thrones, hein? D'où le nom. Ouais, on s'en doutait un petit peu, je pense, quand même. On s'en doute. Donc, le trône bien piquant de Game of Thrones. À partir de Guitar, c'est The Verge qui a vu ça aussi. Yes, ils ont pris quelques photos qu'on peut retrouver sur assemblagerequis.com. Et oui, Gibson permet aux gens de s'asseoir sur le trône musical. Cool. Pour les fans, c'est quelque chose. Ensuite... ouais. Le coureur des bois à l'alcool. OK. Marc Ezel a associé la boisson à des occasions typiques du temps des fêtes. C'est la première campagne pour la crème d'érable coureur des bois, produit de domaine Pinnacle ou Pinacle. Déclinée en affichage en magazine sur les plateformes numériques, en plus d'une exécution spécifique pour la presse plus, la campagne mise sur la tradition, le vrai et l'authenticité en associant la boisson à des occasions typiques du temps des fêtes. En invitant Coureur des Bois à Noël, on invite notre café traditionnel et rustique à faire partie de la fête. Et là, on voit sur, évidemment sur le site, sur assemblagerequis.com, on nous montre une publicité visuelle pour magazine, entre autres. Donc, avec quelqu'un assis avec des raquettes dans son gros divan devant le foyer, dans sa maison de pierre. Et il se dit inviter Coureur des Bois à Noël. Il est en train de boire du Coureur des Bois sur un tronc d'arbre. Mm-hmm. C'est joli, donc on... Bon. C'est ce qui n'est pas très réaliste, parce que moi, normalement, j'enlève mes raquettes à l'extérieur du chalet. Ah, ouais. C'est rare que je m'assoie devant le feu avec mes raquettes. C'est peut-être pour ça qu'on a fait ça, j'imagine, pour attirer plus l'œil, parce que c'est pas quelque chose que tu ferais normalement, mais bon. Non, mais si t'as du courant des bois, c'est parce que t'es un peu chaud d'être, t'es obligé d'enlever tes raquettes ou t'es pas capable. C'est ça. Incapable de viser ta main vers ton pied. Ensuite, on cherche des personnes qui seraient prêtes à se faire frapper par des balles de paintball quotidiennement, et ils ont reçu 10 000 demandes. Donc, c'est des Human Bullet Impact Tester. Donc, 2015 qui nous amène probablement le pire poste du monde, à moins que vous soyez masochiste. C'est une compagnie britannique qui a placé une publicité pour chercher quelqu'un qui voulait bien se faire frapper quotidiennement par des balles de paintball. Et ça a généré beaucoup d'intérêt, environ 10 000 applications partout dans le monde. La compagnie s'appelle UK Paintball. Ils opèrent 60 parcs de paintball partout au pays et offrent un salaire de 60 000 $ par année à un testeur d'impact des balles. Je le ferais. Moi, pour 60 000 $, le nombre de bleus que je pourrais avoir pourrait me défigurer. Au moins, je serais riche. Hein? Tu seras pas défiguré, t'as un casque, franchement. J'avoue, t'as un casque, mais le reste de ton corps est quand même défiguré. Moi, on dit quoi, pas défiguré quand c'est le reste du corps, vu que c'est pas la figure? Décoré. Décoré, ça va être décoré. Ouais. Donc, quand même un bon salaire, 60 000 $ par année, c'est beaucoup. Pourquoi tu fais ça un an? Hein? Tu fais ça un an? Moi, ça... Après ça, tu prends ta retraite. OK, oui, juste un an de job chez UK Paintball, évidemment. Donc, ceux qui appliquent, disant avoir de l'expérience de travail, comme avoir joué au rugby, s'être fait tirer des petites pastilles de plastique sans et équipement avoir protecteur. Avoir joué au paintball, me semble que c'est bon aussi. Probablement. Une bonne tolérance à la douleur, apparemment que c'est quand même des prérequis. L'employeur aime bien avoir créé ce splash de relations publiques, disant qu'ils vont faire une compétition pour mettre 10 des meilleurs candidats l'un contre l'autre, juste pour voir qui est capable de se faire tirer dessus comme métier. Donc voilà, donc c'est chez UK Paintball. Steph, est-ce que t'es prêt pour une autre portion de 5 articles de marketing? Est-ce que tu te sens prête? Aujourd'hui, ouais, je veux vraiment m'assurer de ne pas te brusquer dans ton... Mais oui, c'est drôle, hein? Moi, sont toutes ouvertes. Tu es capable de te charger plus que 5 articles à la fois sur ton ordinateur? C'est... Non, mais c'est parce que quand tu pars, je peux aller en ouvrir d'autres. Ah, c'est ça, alors que moi, je suis obligé de parler. Temps. Ben non, c'est ça. Je suis obligé de faire deux affaires en même temps. La vérité en publicité, Steph, on sait la publicité... Ça n'existe pas. Ben c'est ça. Souvent, on va avoir des messages en petits caractères en bas de l'écran pour venir dire pourquoi ce qui a été dit n'est pas littéralement tout à fait exact. Mettons, tu sais. Donc, dans une campagne d'intérêt public, ce qu'on appelle un PSA, un Public Service Announcement, signé Anderson DDB, les normes canadiennes de la publicité, les NCP, prônent avec humour une publicité vraie. Donc, l'offensive qui se nomme En publicité, la vérité compte, met de l'avant des formes absurdes d'expression créatrice sur un ton humoristique. L'objectif est de démontrer que la créativité est subjective, mais que la vérité, elle, ne l'est pas. Ces messages sont déployés à l'échelle nationale sous la forme de courtes vidéos et de pièces imprimées dans la presse électronique, en affichage et dans les médias numériques et imprimés. Donc, on va écouter la version 15 secondes en français, en la décrivant bien sûr pour vous. On voit un artiste dans son atelier en train de peinturer, de lancer la peinture de son seau vers une toile. Neige sur le Sahara, 14 millions de dollars, et c'est finalement un tableau blanc. Et crime, ça va vite le texte, hein? Même pas le temps de le lire. La créativité est subjective, la vérité ne l'est pas. On voit un tableau blanc, et ça dit la neige sur le Sahara, bien sûr. En publicité, la vérité compte. Les normes canadiennes de la publicité, normespub.com/pub. Ça, c'est quand même bien. Je trouve ça cool quand même. Le gars, il fait juste lancer de la peinture blanche, puis c'est le Sahara. T'sais, la neige sur le Sahara. Il fait... C'est rien. On va en essayer une autre, juste pour voir si celle-là est meilleure. Okay? Donc, c'est celle avec un pianiste. C'est un 30 secondes, un petit peu moins rapide. Donc, il est sur scène avec son piano, devant un rideau. Évidemment, musicien bien habillé avec son habit typique. Il fait un petit salut à la foule. Oui, bonjour, bonjour, bonjour. Il y a déjà des longueurs dans le 30 secondes. C'est un peu long. Le 15 secondes aurait été plus efficace. Donc, il s'assoit. Il tombe la face sur son piano. Ça dit la créativité est subjective, la vérité ne l'est pas. Advertising Standards Canada, because truth in advertising matters. OK, attends un peu. Est-ce qu'on la regarde une deuxième fois? Je pense que l'avoir saisi. OK, il s'assoit à son piano. Il joue un petit peu n'importe quoi. OK, dans le fond, c'est pour dire la créativité, tu sais, c'est n'importe qui peut l'interpréter, alors que la vérité, c'est un fait. C'est un fait. OK, oui. Dans le sens que tu peux pas juger de la créativité de quelqu'un. C'est ça. Parce que c'est subjectif. Canada, OK. Because truth in advertising matters. Je trouve que celle au piano est un peu plus compréhensible que celle avec la toile que je... Tu vois, moi, c'est exactement le contraire. On n'a pas le même cerveau, là, j'avoue. Mais moi, j'ai bien apprécié la première. Je la trouvais quand même intelligente. Je comprends pas. Je trouve... OK, regarde. Si déjà... Une sur deux, on les comprend pas, c'est parce que c'est vraiment pas efficace. Hein? Non, mais ça s'appelle quand même de la subjectivité. Parce qu'en tant que tel, tu t'as pas compris la première, mais la deuxième, tu l'as aimé. Moi, j'ai vu c'est le contraire. Non, c'est pas une question d'aimer, c'est une question de ne pas comprendre le but de la publicité. Ouais, je comprends. Alors, c'est un échec. Ouais. T'es supposé au moins la comprendre quand même, la publicité. Ben oui, même si tu l'aimes pas. C'est vrai, ça. Bref, ils ont quand même fait parler d'eux, pardon. McDonald's maintenant, l'amour pour reconquérir les clients, c'était la suite de résultats décevants. Décevants, évidemment, c'est tout le temps par comparaison. Les compagnies ont tendance à dire que leurs résultats sont décevants parce qu'il y a eu une chute de 1%. Oui, ça l'est décevant parce qu'en tant que tel, c'est supposé tout le temps monter, mais en même temps, tu peux pas toujours monter. Donc décevant, entre guillemets. McDonald's et Leo Burnett tentent une nouvelle approche qui est misée sur l'amour. Une nouvelle vision qui surfe sur la populaire, c'est ça que j'aime, donc était dévoilée. On a gardé le même slogan dans tous les pays, en tout cas. En Amérique du Nord, du moins. Ailleurs, je sais pas, honnêtement. Mais on a quand même gardé le « I'm loving it ». Dans tous les pays en Amérique du Nord. Ben, c'est pour ça que je me suis surpris en cours de phrase. Tu vois. On a gardé le slogan, mais on a changé l'environnement. Un « rebranding » qu'on appelle dans le domaine a été annoncé cet été, alors que le mandat a été confié à l'agence Leo Burnett. La nouvelle offensive télé montre des ennemis jurés rassemblés par le pouvoir de l'amour et de McDonald's. On va donc aller écouter ces contraires qui s'attirent. Donc, Pac-Man et un fantôme viennent s'embrasser dans le milieu, il y a des cœurs qui apparaissent. Batman et le Joker, on a quand même pris des propriétés intellectuelles. Un facteur et un chien qui se mettent à boire de la liqueur ensemble, McDonald's. Une sorcière et une petite fille sur un balai. Probablement Ansel ou Gretel. Ansel, parce que c'est un selfie, cellulaire. SpongeBob SquarePants, attends un peu, j'en ai manqué une. C'est pas grave. Je sais. Un arbre et un bûcheron. Un éléphant et un âne républicain et démocrate. Mario Bowser! Oui! Frankenstein et un autre, peu importe. Il y avait Jason et Freddy Krueger. Un dragon et un chevalier. Je trouve. Oui. Et joli salut, je trouve, quand même. Ah, le coyote et le Roadrunner. une femme très maigre et un burger. Non, c'est pas ça du tout. Une femme et un requin. King Kong et un avion, deux robots ensemble qui s'aiment. Donc, c'est vraiment joli et c'est bien animé. C'est de l'animation 2D. Très joli. Grumpy Cat même aime McDonald's, le joyeux festin. Un joyeux festin, c'est Grumpy Cat qui est tout de mauvaise humeur. Il a fait un petit sourire. Oui. McDonald's, I'm loving it. Donc, McDonald's qui passe d'une philosophie de millions de clients servis à des millions de clients écoutés à la place, selon la directrice du marketing chez McDonald's aux États-Unis. Cette nouvelle vision nous inspirera dans tout ce que nous faisons, de la publicité au marketing jusqu'à la manière dont nous interagissons avec le consommateur dans les restaurants et sur les réseaux sociaux. Cette initiative fait suite à des changements au menu. On a déjà parlé de ça dans la chronique de Fast Food, une grosse pointe d'adresse. Diminuer la complexité de certains repas tout en gardant une approche santé et une plus grande proximité avec le client. Et des initiatives comme Nos aliments, vos questions, avec en anglais Grant Imahara de Mythbusters. Et je me rappelle plus qui d'autre qu'il y a eu dans la version canadienne. Je me rappelle plus c'était qui. En tout cas, bref. Je l'aime beaucoup, cette publicité-là. C'est très, très, très bon. Je trouve ça fun, oui. Ensuite, allons-y avec... j'ai pas envie de parler d'une pub qui a eu 12 millions de views. Fausse pub gay de Taco Bell, la marque réagit. Après le succès web de la vidéo humoristique, Taco Bell a affirmé que cette pub était fausse, mais qu'une rencontre avec ses réalisateurs était envisageable. Depuis quelques semaines, la fausse publicité est largement partagée sur le web. Deux jeunes collègues y déjeunent dans un restaurant Taco Bell et se demandent comment passer le temps avant d'aller au bureau. Suivent alors des scènes humoristiques sur fond de thème gay. Donc les deux hommes s'amusent dans un parc d'attractions, se détendent sur l'herbe, chasse au trésor sur une plage, se marie et font du jet ski. Mais c'est quoi ça, ce fond de thème gay? Ouais, j'imagine que c'est juste pour dire que les deux gars sont pas supposément des amis dans la pub, mais sont un couple. J'imagine que c'est la thématique, alors que ça aurait pu être un gag. Face aux doutes des étalons sur la vraisemblance de la publicité, la marque a émis un commentaire paradoxal, je cite: « Même si nous ne pouvons pas fermer les yeux sur cette infraction à la propriété intellectuelle, nous sommes impressionnés par ce travail et restons ouverts pour rencontrer les responsables. » Donc, c'est pas nous qui l'avons fait, on est contre le fait d'avoir utilisé notre marque sans nous le demander, mais on encourage l'idée derrière. Le collectif de Merkin Brothers, à l'origine de la vidéo, a avoué qu'il avait été agréablement surpris par ce succès, ainsi que par la réaction de la chaîne de restauration. Je pense que l'article décrivait pas mal tout. Est-ce qu'on se tente quand même? C'est un 30 secondes, c'est pas bien long. Donc, on est chez Taco Bell. Je me demande ce qu'on pourrait faire d'autre avant le travail que de manger du Taco Bell. Donc, ils s'en vont jouer au ski-ball. Ils font du manège dans une foire, ils vont au parc. Ils se bécotent sur une couverture, ils cherchent un trésor sur une plage, ils se marient, bien sûr, ils font du jet ski. Où sont truc et truc, je me rappelle pas de leur nom, et là, ils arrivent en moto dans le bureau, et ils demandent quelqu'un veut du Taco Bell, et la fille répond. Le nouveau Taco Bell, steak and egg, crunch wrap, le seul déjeuner qu'on peut tenir dans une seule main. Je pense que c'est à peu près ça, le slogan. Get a whole breakfast in one hand. Ok, non, c'est parce qu'il y a une patate hachée brune dedans. Tu sais, les hash browns, là, dans le hamburger. Imagine comment j'en veux un, genre right now. Ouais, est-ce qu'il y a un lien entre le slogan et l'homosexualité de la publicité? Je pense que oui. Je pense que oui, je l'avais pas remarqué. J'avoue. C'est un peu bizarre. Le seul déjeuner qu'on puisse prendre dans une seule main. Ben, Colin, c'est encore plus futé qu'on le pensait au départ. Ben, félicitations pour The Merkin Brothers. Excellent travail. Puis, en effet, Taco Bell pourrait facilement reprendre ça. Facilement. Maintenant, Newcastle qui débute l'année, en fait. Tu sais que le concours de Crash de Super Bowl demande aux gens de faire des publicités pour le Super Bowl qui vont être diffusés aux États-Unis, bien sûr. Donc, c'est Newcastle, leur Brown Ale. Ils avaient fait une publicité l'année passée pour le Super Bowl. C'était autour du Super Bowl. Je sais pas si c'était pour le Super Bowl, mais c'est une cascade publicitaire de Droga 5 nommée If We Made It qui imaginait une publicité du Super Bowl de Newcastle, de quoi ça aurait pu avoir l'air s'ils pouvaient se la permettre. Voilà. Donc, ça s'est bien passé. Ça a eu du succès sur Internet. Étant donné le succès, Newcastle devait faire quelque chose autour de la partie cette année aussi. Donc, il débute ce qu'on appelle le 2015 Super Bowl Ambush avec la vidéo qu'on va regarder ensemble. Le brasseur qui n'a toujours pas 4 millions de dollars pour se permettre une annonce au Super Bowl. Ça, c'est ce qu'ils disent, évidemment, parce qu'ils ont clairement 4 millions de dollars. Mais ils font semblant de crasher le concours Crash de Super Bowl. Pour pouvoir participer au Super Bowl gratuitement. Donc, on va écouter cette publicité-là. Chores, ça s'appelle, donc tâche ménagère. Honey? Là, c'est un gars, un genre de bûcheron. On va dire que c'est un bûcheron en chemise carottée. Have you seen my brand tortilla chips? Est-ce que t'as vu mes chips croustillées de telle marque? Il y a un bip dessus. Donc regarde dans le frigidaire, dans le frigo. Non, elle est pas là. Va voir sous sol. Il amène une. Faut dire que dans son frigidaire, il y avait que de la bière Newcastle. Là, elle dit, va voir dans le sous-sol. Il amène une bière de une caisse de Newcastle. Check the garage. Va voir le garage. Il y a que des caisses de Newcastle. No up here either. Il y a pas de Doritos ici non plus. Va voir sous le comptoir. Encore une fois, un logo Newcastle. Hey. Hey. You hit my. Est-ce que tu as caché mes Doritos pendant que je faisais mes tâches ménagères? Ça, c'est de la vraie comédie. Et elle sort une bière de son sac de Doritos. Donc, Newcastle Brown Ale, la Newcastle Brown Ale des croustilles. Tu vois, c'est pas sûr, celle-là, moi, de l'aimer tant que ça. C'est un peu bizarre, hein? Un peu bizarre. Donc, il remplace chaque mention de Doritos par de la bière. C'est une fausse bière, une fausse annonce évidemment de Doritos. Encore une fois, encore par Droga5. Très mauvaise, mais c'est voulu. Ça dit amusingly bad. Donc quand même. Bon. Si vous aimez ça, si vous aimez pas ça, c'est. Il y a aussi un behind the scenes sur assemblagerequis.com. Bois, est-ce que c'est nécessaire? Sûrement pas. Est-ce qu'on est prêt pour un autre bloc de 5? Oui, j'ai encore 7 minutes à te consacrer. Ok, je pense que ça va être le dernier bloc de 5, donc. Mais je pense que oui, donc il faudrait que tu passes quand même à peine un peu plus d'une minute. En fait, non, une minute sur chaque, après ça nous permet... De conclure, de mettre une petite chanson, puis on part heureux, puis on passe une belle journée. Comme une vraie émission de radio. Ouais, du lundi au jeudi, mettons. Oui, si on veut. De 6h30 à... À 9h30, à partir de 7h30. C'était 7h30. Ouais, je sais, mais je me suis mêlé. Je me suis adapté. Là, c'était pas très beau. On est professionnels. Mais c'est pas beau, hein, c'est pas très beau, c'est un peu. J'avoue que je préfère. Ok. Donc, le New York Times a inventé un nouveau pays, Steph. Ok. Le New York Times. Accidentellement, j'imagine. Axirgizistanellement, je te dirais. J'ai pas encore parlé de l'article, donc ça a pas de sens. Je vais le dire, après ça, je vais refaire la blague. Donc, des fois, une erreur, c'est gênant. Mais des fois, ça devient tellement gênant que ça devient cool de nouveau. Donc, okay. C'est le Kyrgyzstan, un pays inventé par accident. Ça a l'air vrai, dit de même. Mais tout ce qui finit en istan, ça pourrait être possible parce qu'il y en a... Ouais. Genre... Mais en fait, c'est un gag même très courant, là, de Borat le Fladidagistan. Fladidagistan, Kyrgyzstan d'une pinte au centre-ville. C'est n'importe quoi, c'est une joke. Donc, le Kyrgyzstan, un pays accidentellement inventé par un article du New York Times qui voulait faire référence, en fait, au pays de l'Asie centrale. Le Kyrgyzstan. Kyrgyzstan. K-Y-R-G-Y-Z-S-T-A-N. Même si je vous dépêche, ça vous changera rien dans la vie. Tu connais le duo norvégien Ylvis? Oui. Ils sont déjà allés au Kyrgyzstan pour essayer de percer musicalement. C'est vrai, c'était excellent en plus. C'est une série de sketchs vraiment cocasse. Donc, si vous voulez découvrir le Kyrgyzstan, allez-y. C'est le moment. C'est pour vrai, c'est à conseiller. Donc, c'est ça. Sinon, c'est un reportage très dramatique avec plein d'action dedans qui parle d'une personne qui avait échappé à la captivité. Bref, c'est un grimpeur, un genre de gars qui faisait de l'escalade. Uh-huh. Et il a réussi à s'échapper à la captivité en poussant un militant armé en bas d'une montagne. Bref, c'était comme une histoire dramatique. Mais malheureusement, le journal a dit que ça se passait au Kyrgyzstan, qui est pas un vrai pays. Hein? Donc, il y a même un erratum qu'on appelle, c'est ça, qui dit sur leur site web une version précédente de cet article identifiait correctement un pays dont l'armée blablabla et bon, ils disaient que c'était le Kyrgyzstan et non pas le Kyrgyzstan, qui n'existe pas. C'est ce qu'ils ont dit dans leur erratum, qui n'existe pas, pays qui n'existe pas. Bref, pays qui n'existait pas parce que maintenant il est rendu avec son propre compte Twitter et un paquet de tweets sarcastiques. C'est un compte évidemment de parodie et les gens se moquent de plus en plus de ça, donc c'est passé de dramatique à super drôle pour c'est le New York Times. Drôle. Bravo. Ben, je pense que c'est tant mieux pour eux, ça l'a un peu allégé la situation parce que c'est quand même quelque chose qui aurait pu mal tourner. Oui, le pays aurait même, le vrai pays aurait pu dire vous avez teint ou genre ruiné notre réputation en tant que vrai pays. Le vrai pays, aurait pu dire ça. Oui, le vrai pays des deux. Mais est-ce qu'ils ont lu le New York Times? Ça arrive. Le pays, est-ce qu'il a lu le New York Times? Le pays, le New York Times, c'est le nouveau pays qu'on appelle le New York Times. Nous, on vient d'inventer ça, fait qu'on va y partir un compte Twitter. Voilà. Je pense qu'il y en a déjà un. On a parlé de Subaru la semaine passée avec les pelles. Oui, c'est vrai. Tu te rappelles l'histoire des pelles plantées dans la rue pour dire aux gens, bon, l'hiver de traction intégrale fonctionne très bien. L'association a lancé une campagne intégrée signée Rinaldi L'offensive qui met encore une fois, oui, de l'avant le système de traction intégrale des véhicules Subaru, qui facilite notamment la conduite hivernale. C'est sous le thème avec la traction intégrale, on oublie que c'est l'hiver. C'est décliné dans les magazines, les journaux en format numérique et à la radio. Elle met en scène des gens qui s'adonnent à des activités de plein air typiquement estivales, mais dans des paysages froids et enneigés. Un volet expérientiel a aussi été conçu pour le Salon international de l'auto de Montréal. Donc la première pub qu'on voit, c'est évidemment quelqu'un, une jeune femme en train de jouer au golf sous la neige, et ça dit avec la traction intégrale, on oublie que c'est l'hiver. C'est un peu, je trouve, un petit peu facile, là. C'est pas des super grosses idées. Le gars est en train d'arroser ses arbustes alors qu'il fait neige dehors. Il fait neige? Ben, c'est comme il fait soif, si ouais. On sait pas trop si ça se dit bien. Ouais, ouais. Ensuite, les deux jouent au frisbee l'hiver, encore une fois, devant un gros gratte-ciel. Donc, c'est ça, c'est du pas super compliqué comme idée, mais ça fait le travail quand même. Mais ça reste facile, accessible. Et... c'est ça, hein? Pour tout le monde. Contrairement aux pelles, c'est pour montrer le contraste entre l'idée de mettre une pelle à côté de chaque auto l'hiver et faire des affiches comme ça. Super. Mais c'est ça, ils vont chercher un public très, très large. Voilà. Et là, je parle pas du poids du tout des personnes visées. Maintenant, des publicités qui montrent comment les chats détruisent des sacs de Temptations, des petits bonbons pour chats, des friandises, comme on dit, qu'on donne aux chats. Donc, c'est sur des panneaux publicitaires. Donc, c'est rare qu'on va montrer les produits en train d'être défigurés, dévisagés, décorés, comme on l'a dit tantôt. Oui. Donc, des publicités du produit après avoir été utilisées, déchirées par les pattes et les griffes des chats. C'est Temptations, les friandises bien connues, qui ont sorti ces publicités-là avec l'aide de Adam and Eve DDB à Londres. Un petit peu de destruction professionnelle. Donc, c'est évidemment super orchestré pour que le sac soit le plus beau possible lorsqu'on le déchire. On peut voir la publicité vidéo en fait qui fonctionne pas en ce moment sur le site, donc j'imagine qu'on va la chercher ailleurs. Mais le hashtag est Pack Attack. C'est des animaux sauvages, donc sûrement des félins bien payés qui déchirent des sacs de Temptations. Et sur ils sont quand même payés avec des gâteries. Probablement. Et les versions visuelles, donc affiches papier, sont seulement le sac de Temptations de face avec des marques de griffes et des déchirures. C'est une marque qui appartient à Mars. Le chocolat? Oh, ouais. Temptation, je savais pas. Hein, je savais pas, non. Hashtag Pack Attack. Je trouve que, ben, déjà, ça paraît que c'est des sacs qui ont vraiment été massacrés pour vrai par des félins. Oui. Parce que pour avoir déjà laissé le sac de nourriture sur la table de mon chat, ça ressemble à ça. Mais moi, tu vois, ce qui me faisait dire que c'était peut-être, pour les publicités visuelles un petit peu photoshopées, c'est que le mot Temptations a tendance à être moins griffé que le reste. On le voit bien quand même, le mot Temptation, tu trouves pas? Ben, dans le dernier, il est quand même massacré. Hein? Mais ouais, c'est parce que la plupart du temps, on s'entend, la nourriture se ramasse aussi dans le fond du sac si tu le mets debout. Donc, il va essayer de manger le bas que la nourriture et non le haut. T'es parce que les autres, ils comprennent pas que si tu vas sur la partie en haut, que ça va se rendre en bas. Tu comprends? C'est vrai. Ils ont peut-être pas cette logique-là. Non, c'est pas comme les acteurs où tu peux les coacher à mettre le logo de Oasis devant la caméra pour qu'on voit c'est ça, ouvrir une barre de chocolat de façon vraiment non naturelle et que ça rouvre vraiment très droit. Oui. Mais probablement aussi qu'ils en ont fait massacrer plusieurs et ils ont pris ceux-là qui imaginent. Exact. Ah, ça, là, celle-là me titille un peu. C'est passé, ça fait le tour cette semaine. C'est l'Office du tourisme du Québec, OTQ, ça existe, premièrement. Elle lance un message signé Cossette et destiné au marché d'Ottawa. Tablant sur la plateforme Quebec City, So Europe, So Close, donc la ville de Québec tellement Europe, tellement proche. L'offensive vise à encourager la visite de Québec pendant l'hiver afin de profiter de ses attraits et de son côté européen. Cette plateforme a été conçue en 2014, dans le passé lointain, afin de présenter l'offre touristique de la région de Québec au marché de l'Ontario et des États-Unis. La campagne intégrée comprend trois messages télévisés de 30 secondes qui illustrent la variété des lieux à découvrir. Un envoi direct a été acheminé à 150 000 adresses et un bandeau a été placé dans le quotidien Ottawa Citizen. Les messages sont diffusés sur le web en pre-roll avant les publicités sur YouTube, entre autres, et sur des bannières. Toute l'information sur So Europe, So Close. On va l'écouter parce qu'on a moins de chances de l'écouter au Québec, contrairement à d'autres publicités vidéo qu'on saute parce qu'on va les avoir vu à la télé. Donc écoutons ça au TQ pour le Rest of Canada. C'est même marqué dans le titre en tant que tel de la publicité, c'est OTQ ROC comme dans l'Office de tourisme de Québec pour le reste du Canada, comme on appelle le Rest of Canada. C'est quand même spécial de le marquer dans le titre. On écoute ça. Experience the charm of Europe. Vivez l'expérience de tout ce qui est charmant en Europe. Avec un petit peu de magie. That's Quebec City. C'est la ville de Québec. Donc le gars enlève le chapeau au gars, elle part avec son chapeau de poêle. It's a postcard with plenty of ooh-la-la. C'est comme une carte postale avec tout plein de oulala. Une nouvelle twist sur je sais pas combien d'années de joie de vivre. It has a knack for warming your soul. Ça vous réchauffe l'âme, et là, il met un foulard et une tuque. Tout ça arrive en accéléré. Day in, day out. Le jour et la nuit. En fait, lui, c'est comme s'il restait toujours un peu au même endroit. C'est l'image derrière lui qui change, donc c'est... C'est quand même agréable à regarder. Oui, c'est joli. Donc, ville de Québec, tellement Europe, tellement proche. Et ça dit, le logo, c'est pas OTQ, là, parce que personne ne connaît ça. Mais ça dit Quebec City and Area. Donc, la ville de Québec et l'endroit qui l'entoure, la région. Ça. Eh ben, crime, ça passe rapide, ces 30 secondes-là. Et on a une dernière pub à discuter pour terminer ici. C'est pour Samsung qui réimagine des portraits célèbres en peinture. C'est les peintures de portraits célèbres, mais les réimagine comme c'était des selfies pour une publicité pour Samsung. Donc, une série de portraits, d'autoportraits célèbres, Van Gogh, Frida Kahlo et Albrecht Dürer, réimaginés en selfie pour la publicité d'une mini-caméra qui est la Samsung NX. Donc, la NX Mini a un écran de 3 pouces, un écran flip qui peut être pointé vers vous-même pour prendre, en effet, un selfie ou une selfie. Et la tagline, donc le slogan, c'est « For self-portraits, not selfies », pour prendre des autoportraits et non des selfies. Comme une photo de vous-même prise correctement, sans l'aspect selfie bouche de canard, évidemment. Oh oui, sans les bras là, qu'on C'est qu'on ça, voit exactement. Tout le temps. Exactement, donc on verra pas votre bras de la façon qu'on prend la caméra. Ça va avoir l'air d'un autoportrait de quelqu'un de classe comme Van Gogh. Enfin. Mais en fait, tu vois les personnes qui se prennent en photo, ouais. Mais l'angle de la tête n'est vraiment pas bon sur les images. En effet, c'est tout à fait raté. J'avoue que tant qu'à... Parce que là, dans le fond, ce qu'ils ont fait faire, c'est qu'ils ont refait faire des photos des gens de dos comme s'ils étaient en train de prendre leur selfie pour que ça reprenne le style artistique de la personne qui a fait l'œuvre à la base. Tant qu'à faire refaire le portrait de dos, aussi bien le faire pour que l'angle soit bon. C'est un peu comme les publicités de Rhythm FM quand ils prenaient des selfies il y a quelques années, tu te rappelles? Et que l'angle était vraiment, vraiment raté. Hein? Parce qu'on voyait la même photo que sur l'affiche, mais en plus petit sur l'écran de photo. C'est donc pas le même angle que l'appareil photo verrait lui dans... Mais c'est Rhythm FM. Ils se mettent des tasses ses oreilles pour faire comme s'il y avait des écouteurs. Puis ils chantent dans un ballet. Fait que c'est vraiment des gens sains d'esprit, on sait pas. Mais bref, Samsung est le nom de la compagnie pour ceux qui connaissent pas. S-A-M-S-U-N, genre, c'est une c'est tout pour... J'aime ça rire du monde aujourd'hui. C'est tout pour le Black Pub. On fait ça une fois de temps en temps à Assemblage Rocky quand le temps nous le permet. Voilà. Le temps nous le permettait jusqu'à 4 minutes de dépassage. Ça arrive. C'est tout pour Assemblage Rocky. Oh non! Nous serons de retour demain entre 6h30 et 9h30 en direct à partir de 7h30 ou de 6h30 à 9h30 en direct à partir de 7h30. Mais c'est moins beau. Restez sur nos ondes dans 1h25 environ. On sera le dîner de con avec Danny Janvier, suivi des coups des franches à 13h, le magazine d'affaires étudiantes. À 16h, à livre ouvert. 17h, Radar Jeunesse. Non, ça commence le 19 janvier. Soyez là la semaine prochaine. Palmarès du Monde avec David Ferron sur la 18h. Le Voyage Insolite de retour le 26 janvier. Rock de Neuron à 20h. CIFU.ca pour la programmation complète. AssemblageRocky.com pour les notes de l'émission. Les balados diffusion. Merci à David Ferron. Oui, merci Mathieu Plante. Merci à toi, Stéphanie Paradis. Plaisir. Demain, mardi, ça pue expression. Oui. Ça va être vrai. Même que demain, on est jour Zone Campus. Il va y avoir Sébastien Evgartin et Myriam Nortier du Zone Campus qui vont être là. Oh, très chargé. Oui, très chargé. Non seulement ça, en plus, demain, Gabriel Béhoud de la Lutte. Oh, ouais. Tu feras pas grand-chose. Non, ben c'est ça, contrairement à aujourd'hui. On se quitte avec The Way It Goes, The Seasons. À demain. Bye.